89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Gabriel Béaud nous résumera le match spécial showcase d'hier soir dans les coulisses de la lutte. Et Tania nous divertira dans sa chronique Tania Scala Entertainia. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bienvenue à Assemblage Reiki en ce mardi 29 septembre 2015, 210 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin, t'as calculé tout ça? Ça va, ouais, c'est ça. Pour vrai? C'était mon plan depuis le début de fin. Wow! 210 jours. Voilà, on le sait, là. On le sait. 210 jours, oh oui! Donc, bienvenue à l'émission matinale en pièces détachées. Aujourd'hui, à l'émission, à part apprendre qu'un ordinateur, c'est pas parce que tu rajoutes de la RAM dedans que ça le rend vraiment plus rapide, c'est le processeur qui est de la merde, mettons. T'sais. Ouais, parce que, tu sais, mettons qu'on a eu quelques problèmes avec l'ordi ce matin. Mettons que c'est pas nécessairement ma faute, mettons. Peut-être. Mais non, je te blâme pas, aucunement. C'est ça, absolument pas, mais c'est pas grave, on aurait pu débuter en musique avec Zerbin, c'était vraiment bon, la pièce C'est la vie. C'est la vie. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on l'écoutait jusqu'à maintenant à l'émission. Oui, ben ils font partie du palmarès C'est fou, hein, depuis quelques temps. Palmarès C'est fou, sais-tu, c'est quand ça joue, ça? Quand ça joue. Les mardis, entre 15h et 18h. Comme donc, aujourd'hui, tout mettons. Tout à l'heure, plus tard aujourd'hui. Tout à l'heure. Tantôt, là. Tantôt, tout là. Tantôt, comme on a inventé comme mot précédemment, je me rappelle avoir inventé ce mot-là la semaine passée. Tout tantôt, c'est un mélange entre tout à l'heure et tantôt. Ben oui, dis-moi donc, vas-tu être tout seul à Palmarès C'est fou aujourd'hui? Je sais pas, ça dépend toujours de qui passe dans le coin du studio. Moi, je peux pas te garantir des histoires d'avant. Je peux te dire que je vais être là. Le reste est toujours une surprise. C'est bon, ça, on aime ça. Mais t'es bienvenue si. C'est bon. Bref, étant donné qu'on a commencé avec de la musique, faut quand même que je vous présente le plan d'émission d'aujourd'hui. Hein? Donc à 8h30, pendant 9h, on va avoir Gabriel Béhoud de la chronique de la Luitre. On va parler du match showcase d'hier. C'était le match où tous les nouveaux joueurs, les recrues, les anciens, tout le monde jouait. Donc c'était un match vert contre rouge et bleu contre orange. On en parlera avec lui à 9h. Ta chronique va être dans le milieu d'émission environ. Tania, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Hey, je vous parle surtout de musique. Aujourd'hui, je vous fais découvrir deux bands du Québec et je vous parle d'un autre band qui sème pas la controverse, mais je dirais qui se pose beaucoup de questions, qui font poser beaucoup de questions en fait. OK. Pas eux qui se posent beaucoup de questions, là, mais ils font poser beaucoup de questions. Et philosophes un peu, genre? Non, vous allez voir pourquoi ils font poser beaucoup de questions. Beaucoup de gens qui sont tristes, en fait, à la suite de quelques nouvelles sur ce band-là. Eh bien? Non, je vous parle pas de One Direction. C'est ça, j'allais dire, est-ce qu'il y a d'autres qui a quitté One Direction, je suis pas au courant? Non. Okay. Et s'il nous reste du temps, peut-être parlerons-nous un petit peu de littérature, mais vraiment pas beaucoup, si maintenant. Si t'es obligé, là. Si je suis obligé, là. Si je vois que je manque de temps puis que ça me tente de parler d'Emma Watson, mettons. OK. Mais on a pas mal de temps aujourd'hui parce que Marie-Laurence Audet est absente. Oui, malheureusement. Dans deux semaines seulement, donc on va la revoir éventuellement. Elle est belade. Et voilà. Donc, Marie-Laurence Audet dans deux semaines. Mais c'est ça, j'allais dire tantôt, comme on a commencé en musique, on va pas y retourner, hein, ce serait un petit peu trop. Commençons tout de suite avec notre classique du mardi. Et si vous regardez sur le menu, un peu comme un burger au poulet au restaurant, ce serait en spécial le mardi. Nous, le mardi, c'est le bloc pub. Venez au beau marché! Oui, papa! Tout le monde aime! Je préfère le gouda. I love you and I kiss you. 4,99 la minute. Est-ce que ça a monté les prix à la télévoyance, là, à V, à minuit et soir? Hey, je sais pas, peut-être, sûrement. Tu sais, si c'était 5$ la minute des années 90. T'imagines aujourd'hui? Tu sais? Hi! En tout cas. Donc, le bloc pub, on parle de marketing, on parle d'idées pour vendre des choses. Évidemment, pas des publicités virales nécessairement, c'est surtout juste des idées de publicité. Commençons avec du québécois. Tiens, arrestation pour cause de bon comportement. C'est quand même assez récent, tout ça, ça date d'il y a deux semaines environ. Orchestra et la table de concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais ont réalisé un coup d'éclat de sensibilisation au transport actif. La table de concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais a fait son appel à Orchestra afin de sensibiliser à l'importance du transport actif, à vélo ou à pied. Grâce à la participation de la police de Gatineau, ce coup d'éclat consiste à arrêter des jeunes qui se rendent à l'école sans utiliser de voiture. Au bout de quelques secondes, les policiers les félicitent pour leur comportement écologique, puis leur offrent une récompense. Je pense qu'on devrait aller écouter un extrait de ça. Ça se passe en Outaouais. On voit les policiers avec leur CB. Plusieurs jeunes Gatinois sont interceptés sur le chemin de l'école. On les voit à vélo, en train de faire du roulant. Est-ce que je peux vous parler deux minutes? C'est la policière qui arrive. T'arrives de haut comme ça? Puis tu voyages plus souvent à vélo comme ça? Ben où est-ce qu'elle t'arrive comme ça? De l'école? Oui. Est-ce que vous savez ce que votre fils a fait, tu t'en fais? Voyages-tu habituellement avec un groupe ou avec des amis ou tout ça? Puis est-ce que vous connaissez ça, le transport actif? Du transport actif, c'est dans le fond d'utiliser un moyen écologique pour se déplacer d'un endroit à un autre. C'est bon pour la santé, c'est ce que vous faites? Tu brûles pas de gaz, rien. Bien, à cause de ça, bien, on va vous féliciter puis on va vous remettre un certificat cadeau chez Sport Expert d'une valeur de 25 $. C'est pour vous autres, on vous offre des certificats cadeaux de chez Mais c'est un bon placement de produit. Oui, c'est ça, au moins. Tu sais, au nombre de fois que tu te fais arrêter, ben là, pas que je me fais arrêter souvent. Pour quelle raison, non? C'est pas ça que je veux dire. Mais au nombre de fois que les gens, ils parlent en mal de la police, peut-être que juste là, faire ça, ça démontre à quel point les policiers, ils sont autant humains que toi et moi. Tout à fait, d'accord avec toi. Donc voilà, Transport Actif Outaouais sur Facebook si vous voulez retrouver la publicité et sur assemblagerequis.com, bien évidemment. Toujours dans le bloc pub, on était rendu à parler de votre enfant et ce que vous mangez. Your child is what you eat. L'agence PAME a réalisé des publicités imprimées destinées aux jeunes mères afin de les sensibiliser aux bonnes pratiques d'allaitement. La Société de pédiatrie du Brésil de Rio Grande, le SPURS, a lancé une campagne imprimée pour sensibiliser les jeunes mères au danger de la malbouffe. La signature « Your child is what you eat » souligne qu'une mauvaise alimentation se répercute directement chez l'enfant quand il est nourri au sein. Cet impact s'étale sur près de 100 jours, d'où l'importance d'une alimentation saine pour les mères ayant choisi d'allaiter. Le site de l'annonceur a écrit, je cite, « L'amour et l'affection sont vitaux, mais il est important d'éduquer et d'informer les mères sur les pratiques nécessaires pour une alimentation saine du bébé. » On voit par exemple l'image d'une mère en train de donner le sein à son enfant, et son sein, il y a un tatou d'un hamburger, en fait, cheese, je pense, burger, extra oignon. Ouais, je pense oignon. C'est un cheese. Bacon. Extra dégoulinant. L'autre, après ça, c'est, encore une fois, c'est tout le temps la même image, ben, d'une mère d'une différente couleur, en tout cas, ouais. Au moins pour essayer de... Puis le bébé match avec, hein, fait qu'il n'y a pas de controverse de... mais c'est du Photoshop, là, d'après c'est clairement moi, du Photoshop, mais c'est bien fait, c'est très bien fait. C'est une boisson gazeuse, encore un beigne. Donc, c'est la Société de pédiatrie du Brésil, le Rio Grande. L'industrie de la radio commerciale de langue française souhaite donner plus de place à la musique d'ici. Un nouveau quota de 35%, un seul fonds et une campagne de promotion sans précédent. Parlons-en. Dans un mémoire, Attraction Radio, Bell Média, Cogeco Diffusion, Leclerc Communication, RNC Média et les membres de l'Association des radios régionales francophones, l'ARF, joignent leur voix pour demander au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRIC, de redéfinir la façon dont les quotas de diffusion de musique vocale francophone sont établis. Les radiodiffuseurs proposent de remplacer le quota de musique vocale de langue française, ce qu'on appelle le MVF, par un nouveau quota de musique vocale canadienne de langue française, le MVCF, de façon à appuyer en priorité les talents d'ici et ainsi se rapprocher des habitudes de consommation des Québécois francophones. Alors que, toute plateforme confondue, les 18-44 ans déclarent écouter 26% de musique francophone et 30% pour les 25-54 ans, selon un sondage réalisé par Substance Stratégie au mois d'août auprès de 2000 environ Québécois francophones de 16 ans et plus, le regroupement suggère de fixer cette nouvelle norme à 35%. En lien direct avec cette proposition, l'industrie propose d'accroître substantiellement son appui à la découverte et à la promotion de la musique et des artistes d'ici par le biais de deux initiatives. Il est tout d'abord proposé de fusionner Musique Action et le fonds Radio Star en un seul et même fonds, dirigé majoritairement par des représentants de l'industrie musicale québécoise. En plus de ses responsabilités actuelles, ce fonds unique aurait la mission de soutenir la découverte de la musique canadienne de langue française. Son budget serait majoré d'environ 40%, à même une nouvelle répartition des contributions au développement du contenu canadien, le DCC. Ensuite, les radiodiffuseurs suggère de s'engager dans une campagne de promotion sans précédent pour la musique francophone d'une durée de 5 ans renouvelable, dont la valeur commerciale pourrait atteindre 4,5 millions de dollars par année. Ainsi, les 65 stations à prédominance musicale participantes diffuseraient quotidiennement des profils d'artistes canadiens de langue française. Comme assez différent comme idée. Quand même. Anciennement connu sous le nom de l'ARPIF, l'ARF a pour mission depuis près de 15 ans d'appuyer le développement des radios régionales francophones et de leur donner une voix face aux grands joueurs de l'industrie radiophonique canadienne. Les 38 stations membres à travers le Québec, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick représentent la quasi-totalité des radios commerciales privées qui se trouvent à l'extérieur des grands centres urbains. Je crois que ça ne peut pas vraiment être une mauvaise idée d'encourager la musique canadienne francophone au lieu de la musique française ou autre. C'est vrai. Tu as peut-être entendu parler d'une nouvelle émission de Télé-Québec avec Guylaine Tremblay. Oui, j'ai comme vu certaines annonces. Ouais. Je sais pas trop c'est quoi. Comme la plupart des gens, étant donné que c'était à Télé-Québec. Donc, Télé-Québec a conçu et créé une aire publicitaire dans le métro de Montréal à la station Place des Arts afin de mettre de l'avant l'arrivée en ondes de son nouveau magazine Banc Public. Une première pour la chaîne. Le visage de l'animatrice Guylaine Tremblay qui passe pour la toute première fois du jeu à l'animation, ce qui est complètement faux en passant, cher article d'ActuMédia. Elle a animé le studio à Canal Famille et elle est l'animatrice principale. Fucker! Mais il y a de ça... Ah, c'est pas parce que ça fait longtemps que c'est sa première fois, que non, ça devient sa première fois. Non, ça, c'est vrai, t'as bien raison. Elle s'est pas reviergée, là. Ça, on... T'sais, ça se bouge pas une fois ouvert. Hein? Non, je suis désolée. Une fois que tu fais de l'animation, c'est de même. C'est, c'est la signature de la campagne et la citation choisie. Donc, à Télé-Québec, je cite ici. À Télé-Québec, je ne joue pas un rôle. Je prends le temps de m'asseoir avec des gens qui en ont beaucoup à raconter. Moi, je trouvais qu'elle était très mauvaise animatrice au studio dans le temps. Ça me dérangeait. J'ai sérieusement hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'elle s'est améliorée? Il y a beaucoup de gens, ben, beaucoup de stations de télévision qui font ça, hein, qui prennent des acteurs qui ont une formation d'acteur pour animer. Tout à fait. Ce sont deux choses très différentes. Ça vole des postes, hein? C'est comme les humoristes et les chanteurs. Puis... Exactement. C'est ça. Ça, c'est comme les chanteurs qui décident de devenir des acteurs. Toi, t'es étudié en radio, on sait pas. Hein? Ouais. C'est ça. C'est ça. Ça devrait être ta job, bon public. Bon. Le forcé sera affiché dans le métro jusqu'au 4 octobre, donc dans quelques jours. Télé-Québec signe la création et Jungle Media, Jungle Media s'est chargé de la planification média. Guylaine Tremblay donc présente des histoires personnelles et des enjeux de société rigoureusement documentés. Et bien public dépeint des situations actuelles, soulève des questions et déboulonne des mythes. L'émission est diffusée le mercredi à 20h à Télé-Québec. Le quotidien New York Times force ses employés à utiliser les terminaux mobiles. Ça date du mois de juin, mais quand même, au sein de l'équipe du journal New York Times, les employés sont forcés d'utiliser leur téléphone intelligent et tablette pour accéder à leur propre site, le nytimes.com. Cette initiative a été lancée par la direction, laquelle a avisé les employés par courriel que le site serait inaccessible à partir des ordinateurs à l'interne. Le but de la démarche est de faire comprendre l'importance des terminaux mobiles pour l'éditeur, dont la majorité du lectorat provient de ces appareils. Le New York Times fait office de précurseur avec cette volonté de changer le comportement des employés pour les faire davantage coïncider avec ceux des lecteurs. Il convient de comprendre les besoins de ces derniers et de les prévoir pour améliorer l'expérience utilisateur. Je suis quand même content que le nytimes.com fonctionne quand même pour les gens à l'externe, donc ceux qui veulent aller sur le web dans la vraie vie peuvent, mais les employés, pour se sensibiliser au mobile, vont être forcés à utiliser leur cell. Je comprends l'idée, je comprends de vouloir leur montrer peut-être qu'il y a des améliorations à faire sur l'application, sur le site web mobile ou l'application mobile, mais en tant que tel, de les barrer. Ouais, c'est ça, c'est un peu... Pas y avoir un pop-up, peut-être, genre, on vous recommande à l'interne d'utiliser... Ouais, exactement. Mais bon. Lorsque vous allez à la salle de bain, utilisez votre application mobile. Ouais, c'est ça, là, c'est ça. Qui lit pas les... En tout cas... Ouais, c'est ça. Ouais. Sur ce, on va passer à l'autre info. J'ai fait un peu trop de partage hier là-dessus. J'ai justement dit que j'ai dépassé mon forfait de données parce que le Wi-Fi de ces fous ne sera pas jusqu'à les toilettes. Non, non, non! Tu veux que je te dise? Quoi? Ce matin, je suis tombée sur un article. Bien sûr, il est en anglais, là. Ben oui, comme mais tu sais, la semaine passée, on parlait du nouveau iOS 9. Ouais. Puis que c'est sûr qu'il allait avoir certains glitchs, puis qu'il allait faire une nouvelle version, iOS 9.1.2.3. Moi, j'ai 9.01 bêta, son ami. Je l'ai pas encore mis. Mais peut-être... Peut-être que tu voudrais aller faire un tour dans tes paramètres pour voir qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Parce que ça a l'air que si tu n'as pas du data illimité, allô la prochaine facture. Allô, parce que Siri vérifie tout et elle veut te... Il existe une nouvelle fonction avec iOS 9 qui est le Wi-Fi Assist, en anglais, donc assistance de Wi-Fi, qui automatiquement prend ton data de cellulaire lorsque tu n'es plus près du Wi-Fi. Oh, OK. Donc, il te laisse connecter sur le Wi-Fi, mais se sert de ta bande passante. Ah, oh, OK, ouais. Et là, il y a comme quelqu'un qui a pris en photo ses paramètres. Ouais. Puis, c'est vraiment Wi-Fi Assist. Là, c'est en anglais, mais c'est marqué « Automatically use cellular data when Wi-Fi connectivity is poor ». Alors, du moment que ta connectivité, ta connexion Wi-Fi devient moins bonne, ça s'auto transfert en assistance Wi-Fi qui prend de ton data de téléphone cellulaire. Donc, allô vos prochaines factures de cellulaire. J'ai décidé moi-même d'aller faire un tour dans mes paramètres ce matin. Je vais vous dire comment ça se passe de ce côté-là. Mais ça a l'air que c'est devenu viral sur Twitter. Moi, il y a plusieurs gens qui ont tweeté par rapport à ça. Il y a un gars qui dit « En temps habituel, j'utilise 1 à 2 gigs de data mobile. » Il dit « Ce mois-ci, c'est passé à 7. » Ouch! Il dit « Comment ça se fait? » Il dit « D'après moi, je dois blâmer Wi-Fi Assist. » Je pense que ça n'a pas le choix. Étrange. Et on parlait de bugs de iOS 9 l'autre jour aussi par rapport à Messenger, là, qui avait des affaires qui ne marchaient pas. Donc moi, j'ai la nouvelle bêta 9.0.1 et j'ai la nouvelle version de Messenger qui a été envoyée récemment dans les derniers jours. Et le problème est toujours là, donc je comprends pas trop. Ça doit pas être la faute de Messenger, ça doit être la faute d'iOS 9. Ça doit pas. Puis ça a l'air que ce Wi-Fi Assist-là, il se... tu sais, il se met à on automatique lorsque tu fais ta nouvelle mise à jour iOS 9. Ouais. Alors, je vous invite comme ça à aller faire un petit tour dans vos paramètres aujourd'hui. Cherchez où, on va le dire, si tu pouvais le trouver avant la fin de cette chronique qu'on est en train de faire. Je m'en vais directement dedans. Okay, trouve-moi ça. Les panneaux publicitaires autour des ponts montréalais sont voués à disparaître, Tania. La Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain a annoncé la fin de son contrat d'affichage de 15 ans avec CBS Affichage et le démantèlement des panneaux. Ces panneaux rapporteraient pas moins de 280 000 $ par mois à la société, imaginez. Le contrat a pris fin le 31 mai et l'institution fédérale a songé à lancer un appel d'offres. Cependant, la directrice des communications explique que les problèmes causés par les panneaux sur les chantiers de réfection sur le pont sont trop importants. Par ailleurs, elle affirme que la plupart de ces panneaux ne respecte pas la loi québécoise sur la publicité le long des routes, puisqu'elle se trouve à moins de 300 mètres des ponts. Le 1er juin, toutes les publicités bordant le pont Jacques-Cartier, l'autoroute Bonaventure et le corridor fédéral du pont Champlain devaient être retirées des panneaux. Ces derniers vont rester vides jusqu'à leur démantèlement, qui est prévu d'ici bientôt. En fait, si c'est pas déjà commencé, étant donné que l'article date quand même du mois de juin, là, juillet ou septembre, ça devrait être dans les prochains jours, ou sinon ça devrait être déjà commencé. Je viens de le... De l'enlever de mon téléphone. Je te faisais confiance pour le trouver, puis c'est, tu vois, j'ai réussi à te... Et voilà, c'est fait. C'est quoi? Donc, maman, je suis désolée pour la prochaine fête. Tu vas où? Tu vas où? Dis-moi où aller. Tu vas tout simplement dans tes paramètres par la suite. J'ai cherché Wi-Fi à 6 dans les paramètres. Parce que moi, mon téléphone est en anglais, mais évidemment, c'est le quatrième qui est cellulaire en français. Oui, réseau cellulaire, oui. Ouais, c'est ça. Tu vas dans... Tu vas tout juste en bas, puis c'est marqué Wi-Fi Assist. Complètement en bas de la page ou... Ben oui, c'est après toutes les applications. Après genre, toutes les applications, c'est ça. Ça dit utiliser automatiquement les données cellulaires lorsque la connectivité Wi-Fi est mauvaise. Ben tu sais quoi, je vais laisser activer pour que les toilettes ça marche mieux. Mais j'ai un bon forfait de données, moi. Oui? J'ai un bon 3 gigs. Moi, je trouve ça assez. Oui! J'utilise beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos. Aussi. D'avoir un 3 gigs, c'est bien parfait. T'as combien? J'ai 3 gigs aussi. Cool. Bon. Mais... Tu sais, quand tu le sais pas, ouais. Pourquoi ils l'ont pas dit? J'avoue. Pourquoi est-ce que ça se met automatiquement à on? J'avoue pour que vous fassiez plus d'argent dans nos poches. Je suis à 2,7 gigs sur 3 gigs. Il me reste combien de jours? 6 jours restants puis 315 megs. Tu veux même pas savoir combien que je suis rendu. Ok, je pense que je vais l'éteindre. Ah, donc, on était rendu à parler d'Amazon qui s'allie aux Minions pour un nouveau format publicitaire, Tania. Oui. Pour la première fois, le détaillant en ligne offre ses boîtes comme plateforme publicitaire à la suite d'une entente avec Comcast Corporation's Universal Pictures et Illumination Pictures. Jusqu'à sa sortie en salle, encore une fois, des nouvelles qui datent, mais jusqu'au 10 juillet, les colis d'Amazon étaient envoyés dans un emballage jaune vif présentant les films du personnage animé Minions. Les clients qui se prenaient en photo avec la boîte puis les publiaient sur les réseaux sociaux pouvaient gagner une carte cadeau Amazon de 1 000 $. Considérant que l'entreprise envoyait des millions de colis par jour, il s'agissait d'une fenêtre significative pour un annonceur. Rendre le commerce électronique rentable malgré les coûts de livraison s'avérait un défi pour les détaillants, alors Amazon a refusé de parler des détails financiers de l'entente. Mais dépendamment d'eux, elle pourrait permettre aux détaillants en ligne de diminuer ses dépenses en expédition sans transmettre les frais à ses clients. Cette démarche serait en continuité avec l'ambition de l'entreprise de livrer ses colis plus vite et même d'offrir une livraison gratuite pour certains produits. Les boîtes donc sont jaunes vifs avec des mignons affichés dessus, comme on est habitué de voir sur Facebook. Là. Ben oui. Est-ce que t'as vu la nouvelle toune qu'ils ont fait, les Minions? Non. C'est comme un remix. Là. Si tu vas sur mon Facebook, Mathieu, tu vas la trouver. Est-ce que je peux ne pas la faire? Ben oui, tu peux ne pas la faire ici. Mais tu sais, c'est avec le nouveau film, j'imagine. Tu t'énerves pas, les Minions? Oh non, moi je les aime. Ah, comment? Tout est belle, comme une papaya. Ah, ils parlent pour vrai? Ben, c'est comme le refrain. Wow. Tu vas voir. C'est vraiment parfait, honnêtement. Moi, j'ai... Ouais. C'est électro, là, beaucoup, là, mais c'est très drôle. Comment tu penses que je vais réussir à durer 10 secondes, mettons, avant de... Mais il faut que tu dures plus que 10 secondes parce que c'est très drôle après 10 secondes. OK. Ben, on y revient dans quelques secondes parce que la page est longue à charger, maintenant. C'est où, si tu es en bas, complètement? Non, c'est après ce que j'ai partagé. Attends, je vais te l'envoyer. Ouais, c'est ça. On va parler d'un high five pour sauver des vies maintenant à l'occasion de la Coupe du monde féminine de soccer, oui, plutôt cet été. Hein? Présente au Canada, Marketel, la division de l'agence Marketel, oui. Avec pas de LE à la fin, il y a comme deux compagnies avec un avec ELLE puis l'autre pas de ELLE. spécialisée en marketing destiné aux femmes, réalise une campagne nationale pour l'UNICEF intitulée High Five It. L'initiative consistait en un appel aux dons pour arrêter la mort de milliers d'enfants chaque année. Le public est invité à verser 5$ à l'UNICEF sur highfiveit.org, à se photographier ou filmer en effectuant un high five amusant, puis à diffuser les images sur les réseaux sociaux en utilisant les mots-clics High Five IT. Et UNICEF, et en défiant 5 amis de faire la même chose, un peu un genre de bucket red bucket. Ouais, c'est flash, ça, Ice Bucket Challenge. Chaque don de 5$ permettait de fournir de l'eau potable à 5 enfants pour un an, d'immuniser 14 jeunes contre la rougeole et de procurer les substances nutritives quotidiennes à 3 autres. La campagne a été créée et offerte gratuitement par Marketel. L'offensive était accompagnée d'une vidéo qui s'appelait Jandy, un film présenté pour la première fois à Hamilton, en Ontario, sur l'écran géant du stade Tim Hortons Field, le stade magasin de beignes, alors que plus de 7000 enfants ont permis de battre le record mondial du plus grand nombre de personnes à se faire un high five simultanément. On peut écouter un petit bout de la vidéo. Ici, on voit 5 femmes sur la scène habillées en rouge devant Jean un grand public. Saute sur place. Jandy, secoue les mains. Ça vaut pas la peine d'expliquer, on comprend. C'est des enfants qui réagissent. Jandy, frotte ton bedon. Jandy, apprends le français. Fais le mort. Ah, fais le mort. Puis les gens sont tous par terre morts. Chaque jour, 17 000 enfants meurent de causes évitables. 5$ peut faire la différence. J'en dis, high five avec ton voisin! Il n'y a pas une expression en français pour un high five? High five, ouais. Un top là. C'est pas une tape. Une tape. Donne-moi 5. Donne-moi 5. Give me 5. Non, mais tu sais, en tout cas. Donne-moi 5. est-ce que tu m'as envoyé la vidéo des... Non, hein? Ben, je t'ai tagué, si tu vas sur Facebook. Ah, OK. OK. C'est qui devrait t'amener là. OK. Sinon, je peux toujours essayer de... Attends, je t'ai rendu ici. Voilà. T'as peu. Non, je l'ai pas encore vu arriver. Je m'excuse. On va parler de selfies après les donne-moi 5. Des selfies ratés pour promouvoir Québec. Je trouvais l'idée bonne quand même. Cossette qui signe la nouvelle campagne de l'Office du tourisme de Québec. Québec vous va à ravir malgré tout. Et le slogan, cette campagne cible les marchés de New York, Boston et Toronto et utilise des autophotos ratées pour mettre en valeur les principaux attraits de la capitale nationale. Leur objectif était d'attirer les 25-45 ans afin qu'ils visitent Québec pendant leurs vacances, puisque les selfies forment une très forte tendance auprès de cette tranche d'âge. Ils les ont utilisés avec humour, que ce soit en présentant un mauvais cadrage ou des gens avec les yeux fermés. L'initiative repose sur la plateforme lancée il y a 3 ans qui est Quebec City, So Europe, So Close. La ville de Québec est tellement européenne, mais en même temps tellement broche. Elle se décline dans les médias sociaux, sur les bannières, des abribus, des super panneaux. Donc, on voit un acteur connu, je crois, du Québec, il me semble bien. Oui. Je pourrais pas dire lequel, là, mais... Il ressemble à... tu sais, là, le gars qui jouait dans... comment t'appelais ça dans le temps? C'est lui. Je suis persuadée aussi. Le négociateur. Je pense que oui, je pense que c'est lui. C'est pas Frédéric, je sais pas quoi. Pas Jean-Nicolas, pas Jean-Nicolas Véraud. C'est lui? Mais il ressemble, mais c'est pas lui, je crois. Mais bref, on les voit en train de prendre un selfie, donc on voit leurs bras, un peu comme dans les selfies traditionnels, sauf que bon, il y a peut-être un reflet de soleil dans les yeux pour le gars. La fille, ben, on voit juste la moitié de sa face. L'autre est en train de perdre son chapeau, des trucs comme ça. Donc c'est quand même une bonne idée, je trouve. Le slogan de tellement européenne, mais en même temps tellement broche. Ouais. Pas sûr que c'est si européen, mais peut-être. La ville de Québec, peut-être plus que, mettons, d'autres villes québécoises, peut-être peuvent ressembler un peu à l'Europe. J'imagine, peut-être. Je sais pas. Je l'ai ton affaire que je vais regretter instantanément d'avoir fait jouer. 10 secondes, mettons, 10 secondes. Okay. Non. Oui, mais je te dis, il faut que tu laisses plus de 10 secondes. Laisse-le au moins pour le premier refrain. C'est pas encore parti, Mathieu. Oh non. Ça sent bien. C'est pas un Gangnam Style, toujours. Tous les belles comme la papaya. Ah, wow. Je suis physiquement incapable de ce genre de musique-là. Incapable. Oh non, mais... Ça me donne un petit haut le cœur. Mais c'est parfait, ça. Comment ça? Non. T'aimes pas les Minions? Non, c'est pas les Minions. C'est la musique de Dance Floor avec du... Je suis pas capable. Oui, mais moi je parle que cette tune est bonne parce que ce sont les Minions qui sont... Ouais, mais les Minions peuvent pas m'enlever le haut le cœur de ça. genre de musique-là. C'est ce que j'ai cru remarquer. Ah ouais. Je tiens à même pas vous décrire le visage de Mathieu en écoutant cette chanson. J'ai l'air d'un emoji qui porte un œil au beurre noir comme le prochain article, Tania. Hein? Ah ouais. Les liens sont incroyables. Pour sensibiliser à la maltraitance infantile, l'organisation suédoise BRIS a créé des emojis illustrant des scènes de violence familiale. Initiative qui vise à donner une voix aux enfants qui parviennent difficilement à exprimer les problèmes auxquels ils font face à la maison. L'un d'eux présente une fillette avec un œil au beurre noir et un autre montre un enfant dont la mère boit. L'ensemble Abused Emojis peut être téléchargé gratuitement sur l'App Store. Évidemment, c'est pas fait pour être utilisé nécessairement, c'est plus pour en faire parler. Mais est-ce que tu veux m'aider à décrire les icônes que tu vois sur la page? Ouais, ouais, ouais. Il y a un gars qui porte un chapeau en forme de poupe, mettons. En forme de poupe, ouais. Crotte de... La petite crotte, là. Le petit caca. Ah, petit caca. un garçon qui pense à un squelette avec des dents. Ouais, il y a un autre petit gars qui a une mine plutôt par en bas, là. Il est triste. Puis on voit le fameux emoji de la forme d'un homme sans avoir de visage sur l'homme. Oui. C'est comme simplement... Qui est derrière le garçon, exactement. Ouais. Qui est dans son ombre, si on veut. Ouais, donc, j'aime vraiment celui qui a le petit caca sur la tête. C'est quand même une bonne idée, sensibilisation comme ça, j'aime bien ça. Voilà, ça va être tout pour ce bloc du bloc pub. On va en faire probablement un autre tantôt. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Et puis, on prend une petite pause. Au retour, Tania is gonna entertain ya. Ooh. Restez là. Merci pour les bruits de bouche. Tous les belles comme la papaya. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. De retour à Assemblage Reiki en ce mardi 29 septembre 2015. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, ce sera Tania is gonna entertain ya. Mais avant, on écoute Willamette Stone avec If I Stay Heart Like Yours à Assemblage Rocky. Ça, c'est fou. Breathe deep, breathe clear. Know that I'm here. Know that I'm here. Waiting, stay strong, stay gold. You don't have to fear, you don't have to fear. Waiting, I'll see you soon, I'll see you soon. How could a heart like yours ever love a heart like mine? How could I live? How could I have been so blind? You opened up my eyes. You opened up my eyes. Sleep sound, sleep tight. Here in my mind. Here in my mind. Waiting, come close, my dear. You don't have to fear, you don't have to fear. Waiting, I'll see you soon, I'll see you soon. How could a heart like yours ever love a heart like mine? How could I leave? How could I have been so blind? You opened up my eyes. You opened up my eyes. Hold fast, hope. All your love is all I've ever known. Hold fast hope, all your love is all I've ever known. How could a heart like yours ever love a heart like mine? How could I live before? How could I have been so blind? You opened up my eyes. You opened up my eyes. You opened up my eyes. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle, c'est Tania. And she's gonna entertain you. Et puis je vois. And she's gonna entertain you. On a la version courte, la version longue et maintenant la version enrhumée. C'est pas un rhume. J'ai trop crié hier à la 8. Ah, j'avoue. Bref, Tania Baudin qui va nous divertir un peu. On a entendu une première pièce qui va avec ta chronique finalement. Oui, ben tout à l'heure sur les réseaux sociaux, j'ai écrit qu'on allait parler de bandes québécois. Par contre, avant la chronique, j'ai aussi dit qu'on allait parler d'un band qui fait poser beaucoup de questions, en fait. Pas qui pose beaucoup de questions, mais qui fait poser beaucoup de questions. Mm-hmm. Et on vient d'en entendre une pièce. C'est le band Willamette Stone. C'est une découverte de l'application 8-Tracks. Oui, dont tu as parlé précédemment. Oui, c'est ça. J'ai parlé de l'application 8-Tracks il y a quelques semaines déjà, ouais. Ou la semaine dernière. Il y a quelques jours, en tout cas. Dans le mois de septembre. C'est ça. Puis ce matin, en fait, en me préparant, comme à chaque matin, j'écoutais de la musique et j'ai entendu cette chanson-là. Ça me disait quelque chose. J'étais pas certaine où je l'avais entendue. Alors, j'ai cherché le band, tout simplement, et j'ai dit « Willamette Stone, j'ai jamais entendu ça. » Donc, quand j'ai voulu chercher sur Internet qui était le band de Willamette Stone, je suis tombée en fait sur le film If I Stay. Si je reste avec, si je me souviens bien, c'est Chloé, comment elle s'appelle, Chloé? Je crois que c'est Chloé Grace Moretz qui joue là-dedans. C'est ça. Ouais. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui reste entre la vie et la mort dans le coma, mais on vit tout ce qu'elle vit. Okay. Et je suis tombée sur ce film-là. Alors, évidemment, je me dis, ah, ben c'est eux qui ont fait la trame sonore du film, blablabla. Et là, je continue à lire ce que je vois sur Internet. Et, en fait, ils ont conquis le cœur de plusieurs gens avec leurs chansons. On a pu l'entendre, c'est très, très épuré sur les paroles. Mm-hmm. C'est très mélodieux aussi. Évidemment, ça allait avec la fonction du film et ce qu'ils voulaient en dégager. Par contre, je me suis dit, ouais, OK, mais, tu sais, mettons, si je veux acheter le CD, je l'achète. Exemple. Tu sais, exemple. Alors, j'ai continué à faire mes quelques recherches. Je suis tombée sur une page Facebook Willamette Stone et je suis tombée sur la réponse que Willamette Stone n'est pas un vrai band. Oh! Outrage! Outrage! Ben, ça, on voit souvent ça dans les films des acteurs qui vont jouer un rôle ou que le gars, il joue de la musique dans un band. Eh bien, en fait, le band de Willamette Stone, c'est le band du gars, du personnage secondaire du film. Et ils ont fait plusieurs chansons pour le film en tant que tel. Par contre, c'est impossible de trouver un CD de leur part autre que la trame sonore du film, bien évidemment, parce que le band n'existe tout simplement pas. Ben, voyons donc. Ça m'a outré. C'est bien, je te comprends. J'ai le quoi? Non, mais là, je peux pas acheter le CD. Ça existe pas, ce band-là, parce qu'on a pu entendre. Moi, j'ai beaucoup aimé, justement, les paroles qui étaient épurées, les paroles qui étaient vraies, tout ce qui était très, très simpliste dans la musique. Mais Moses, je peux pas aller chez Archambault et acheter le CD. No way. Alors, c'est ça. C'était ma découverte 8-Tracks de la semaine. Par contre, ma découverte n'existe pas pour vrai. Donc, oubliez ce que vous venez d'entendre. Hein? Ben, pas des. Tu sais, vous pouvez quand même aller sur YouTube et écouter les chansons qui ont fait partie du film. Par contre, attendez-vous pas à un nouvel album parce que ça sortira pas. C'est ça. C'est ça et c'est tout. C'est ça et c'est tout. Ouais. C'est, si vous voulez entendre leurs chansons, ben écoutez le film Si je reste ou If I Stay en anglais. C'est mieux que d'autres chansons ou mettons des chansons thèmes d'émissions de télé qui ont jamais eu de version complète. T'es obligé de garder le 28 secondes puis c'est pas mal tout ce que tu vas avoir dans la vie, tu sais. Là, au moins, t'as plus qu'une chanson. Je suis d'accord. Moi, je le prendrais puis j'arrêterais de chialer. Oui, tout à fait. C'est OK, c'est bon, j'ai fini. Le premier band québécois dont je vous parle, c'est un band trifluvien. Local, TR City. TR. Ouais, c'est ça. Oui. C'est, j'aime pas ça, finalement. Non, c'est pour ça qu'ils l'ont changé, ils ont enlevé le trait d'union. Très musique. C'est ça, parce qu'avant, c'était Téré. Ou Thérèse. Ah, Thérèse. Thérèse. Il y en a plus. Alors, en fait, le band dont je vous parle, c'est Dune in the Fields. Est-ce que tu connais? Oui, bien sûr. Oui. Ça a été sur le palmarès anglophone de C'est fou. Oui. Eh bien, c'est composé de James Forrest et Mélissa Brouillette. Mm-hmm. Donc, ce duo, qui est un peu style folk, pureté des émotions, c'est quelque chose qu'il voulait vraiment mettre de l'avant. James, qui est le guitariste, a voyagé un peu partout dans le monde. Il a fait le tour du monde, simplement âgé de 25 ans. Il peut se vanter d'avoir fait le tour du monde pour sa part. Il est resté en Inde d'ailleurs et aussi en Europe. Et c'est ce qui influence son son musical. C'est lui qui va jouer de la guitare dans le band. Alors, ça s'entend, ça se voit et ça se ressent aussi lorsqu'il joue. Donc, ce sont tous des inspirations un petit peu différentes de ces différents voyages qui font en sorte que le son de June in the Fields est très, très, très différent de ce qu'on peut entendre en temps normal. Évidemment, on va avec la vague de ce qui est pas nécessairement populaire, mais de ce qui est vendeur, je dirais. Ouais. Quand que tu décides de faire de la musique en temps normal, tu décides de faire de la musique pour en faire un métier de ta vie. Alors, évidemment, on va aller vers des sons qui sont plus rejoignables un peu partout. Mmh. Aussi, Mélissa, qui est une voix très, très épurée, très claire, elle a remporté le titre de découverte de la chanson de Magog il y a quelques années. Elle a fait ses études en musique du secondaire au cégep. Donc, elle a un bagage musical et une connaissance musicale très, très développée. Elle est inspirée beaucoup par le jazz et c'est ce qu'on peut entendre aussi dans sa voix. Entre autres, pour certains, il y a quelques années, Mélissa Brouillette avait fait l'hymne national au Grand Prix Trois-Rivières. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez. Est-ce que tu l'as déjà fait, toi, l'hymne national? Parce qu'on a vu que ton talent en chanson n'est pas nécessairement... J'étais censée... Ah, c'est ce que tu crois, hein? J'étais censée chanter l'hymne national au Grand Prix Trois-Rivières. Finalement, je n'avais pas de voix. Mais j'ai déjà chanté, Mathieu, malgré ce que tu peux croire. Est-ce que c'est resté le fait que t'as pas de voix? Non, en fait, mes problèmes de voix ont commencé à suivre par la suite. Je me rappelle, tu m'as déjà raconté. Oui, et voilà. Alors, pas ta faute, bref. Non, c'est pas ça. Vraiment ma faute. Donc, comme je vous disais, le son du band est très épuré, c'est très folk, mais je dirais aussi mélangé avec les influences jazz de Mélissa Brouillette. Et le 2 octobre prochain, si jamais ça vous intéresse, au bar du centre-ville, le temps d'une pinte. Mmh, mmh. Dès, là, je le dis, 17h, c'est vraiment la bonne heure, parce que hier, on se rappelle, j'ai pas dit la bonne heure. Hier, tu te trompais entre 17h et 19h30, ouais, c'est très mais j'ai toujours des problèmes avec 17h et 19h30, en tout cas. Oui, vraiment. Mais le 2 octobre, vendredi, c'est bien vendredi, là, avant que je dise une date puis que ça soit pas la bonne, c'est bien vendredi, dès 17h, au bar du centre-ville, le temps d'une pinte. C'est gratuit, c'est le lancement de leur nouvel album « Miles Behind, Miles Ahead ». Évidemment, vous vous en doutez un petit peu, le nom du band est en anglais. Ils chantent en anglais. Peut-être vont-ils faire quelques pièces en français sur leur page Facebook. Ils nous disent qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Alors peut-être qu'une de leurs surprises va être d'interpréter une pièce en français, tout simplement. Si jamais vous voulez d'autres informations par rapport aux bands ou les suivre s'ils font une tournée ou voir où ils font des spectacles un peu partout au Québec, c'est très facile. C'est le www.june. Trait d'union. Oh boy. The. Trait d'union. Fields. Fields au pluriel. Fields au pluriel. .com. C-O-M. C-O-M. Et Mathieu, je ne sais pas si toi tu es prêt, mais j'aimerais beaucoup qu'on fasse entendre un extrait d'une de leurs nouvelles chansons du nouvel album qui est Pretty Sunny Eyes de June in the Fields. De musique. Excuse-moi, oui, non, il n'y a pas de problème. Écoute, c'est normal, c'est la technologie de l'Internet. On la repart. Alors, Pretty Sunny Eyes de June in the Fields. Après plus de 4 années de musique, d'histoires nombreuses, de milliers de kilomètres sur la Terre et dans les airs, de découvertes et de rencontres florissantes, James Forrest et Melissa nous présentent le deuxième album de June in the Fields. Miles Behind, Miles Ahead. Doesn't seem to go away. Winter, it might be here to stay. So I guess I need someone to keep me warm tonight. Et c'est la nouvelle pièce musicale de June in the Fields, Pretty Sunny Eyes. Vous allez pouvoir l'entendre, comme je le disais, du côté du temps d'une pinte. Ce vendredi, dès 17h, je vous le rappelle, c'est le lancement de l'album « Ils sont d'ici » de Trois-Rivières. Alors, si jamais vous n'avez rien vendredi soir, allez faire un tour. C'est toujours le fun de rencontrer de nouveaux artistes, de faire de nouvelles découvertes musicales. C'était mon premier band que je vous présentais dans les bands québécois. Très apaisant, ça, June in the Fields. C'est très matinal, je trouve. Oui, ben, tu sais, faut se rappeler que j'ai écouté ça à 5h15 ce matin. Ça se tient. Et mon deuxième, en fait, c'est un band montréalais. C'est peut-être que tu connais ça, encore une fois, tu connaissais June in the Fields, mais peut-être est-ce que tu connais ça. Je te parle de The Garlics. Non, je connais pas. Tu connais pas The Garlics? Ça m'intrigue. Non, je connais pas. Ben oui, évidemment, parce que ça parle d'ail. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, le titre de ben le nom du band en français c'est l'ail. Ouais. Ou genre les gousses serait drôle. Ouais. Gousses. Ben les gousses d'ail, ouais. Genre c'est, les gousses d'ail. C'est peut-être ça. Est-ce qu'il y a des gousses de d'autres choses? C'est une bonne question. Ouais. Hein. On va demander à Google, voir. Peut-être, peut-être. Alors, comme je le disais, c'est un band de Montréal composé de Mael Wells et de Oli Mimo. Donc, Olivier Mimo, tout simplement. Mm-hmm. Ils sont ensemble depuis le Exposure Music Festival de 2009. Petite anecdote très rapide, Oli Mimo faisait partie d'un band à l'époque. Ils étaient inscrits au Exposure Music Festival à Montréal, qui est dans la salle Saint-Denis, au théâtre Saint-Denis. Et seulement 5 semaines avant le festival, leur chanteur a quitté le band. Ah. Et là, ils se retrouvent à 5 semaines de l'événement, pas de chanteur. Oli Mimo connaissant Mael Wells, qui joue de la guitare et qui chante, il dit, est-ce que tu peux venir avec nous au Exposure Music Festival? Écoute, on a besoin de quelqu'un. Dans le fond, il a dit, je te donne le poste de l'autre. Qu'il y a une gousse qui se pousse, fait que peux-tu me donner un coup de pouce? Ah, oh, exactement. C'est ça. C'est ça qu'il a dit. Et en 5 semaines, ils ont appris les morceaux qu'ils devaient jouer, ils ont pratiqué. Ils ont pas beaucoup dormi, apparemment, c'est ce que ça dit sur le site Internet. Et c'est comme ça qu'est né The Garlics avec Mael Wells comme chanteuse et Oli Mimo à la guitare. Et ainsi le reste du band, évidemment. Ils ont fait une tournée en France et en Suisse, Mathieu. C'est quand même cool. Ils quittent pour Los Angeles très bientôt pour tenter leur chance aux États-Unis. Ah. On a pu les voir dans quelques festivals. Ça se dit-tu festival au pluriel? Festival? Oui, festival. Festival. Non, festival. Oui. Donc, on a pu les voir dans quelques festivals au travers du Québec. Par contre, oui, ils ont déjà joué à certaines stations de radio. Est-ce qu'ils ont joué à Musique Plus, comme une goutte? Peut-être, je sais pas. Oui, on les a peut-être entendus une ou deux fois, mais on les entend pas beaucoup pour comment on en entend parler sur Internet. Y a plus de 8000 personnes qui ont aimé la page Facebook. C'est quand même beaucoup. Ils ont des visionnements, jusqu'à 15 000 visionnements sur une vidéo sur YouTube. Ils sont... Tu sais, quand je dis que Internet, plusieurs fois dans mes chroniques, je veux dire que Internet amène une découverte musicale autre, mais qu'on n'en entend pas nécessairement parler à l'extérieur d'Internet. Ouais. Bien, je trouve que The Garlic, c'est un peu ça. On en entend beaucoup parler sur Internet, on les aime et on les entend pas. T'écoutes ça sur ton iPhone comme I de l'air? Oui, j'écoute ça sur mon I. T'es niaiseux quand tu veux, Mathieu. Je sais, j'aime ça. Donc, ils font de plus en plus parler d'eux. Si jamais vous voulez des informations, parce qu'ils partent aux États-Unis, donc peut-être qu'ils vont faire des petits showcases là-bas. Si jamais vous êtes aux États-Unis puis que vous nous écoutez... Ça donne comme ça. Peut-être, hein? Peut-être que vous êtes Québécois, vous écoutez C'est fou 89.1 aux États-Unis. Tu voyages en Ontario toutes les semaines, tu peux bien voyager à New York. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, le site Internet, c'est www.thegarlics.com. Si jamais vous voulez chercher aussi sur Facebook, c'est la même chose, c'est le nom du band The Garlics. Et j'aimerais vous faire entendre une pièce qui vient contrairement à l'encontre des... Contrairement à l'encontre, donc ça revient comme c'était. Non, OK. C'est tout à fait à l'encontre du style musical dont il se décrit. OK, de ce que tu viens de nous dire. Ouais, en temps normal, c'est un band de style alternatif pop-rock. Il y a une chanson d'eux qui est très, très, très alternative. Mais là, vous allez en entendre une qui est complètement différente. Et je me dis, peut-être qu'on suit la vague de ce qui est à la mode. Est-ce que ça va ressembler à du Julian the Fields? Hey, est-ce que ça va ressembler? On va aller écouter ça, puis on s'en reparle tout de suite après. Si jamais vous trouvez que ça se ressemble, dites-le nous. C'est Say Goodbye de The Garlics. Stuck with a photograph and smiles you left behind. Pictures of you and I don't seem so colorblind. My head's up in the sky, just looking for you now. My dreams are half awake, trapped in lullabies. Ooh, ooh. Say just said, they never came to mind. But now that it's too late, they're all that I can find. Yesterday don't seem to go away. They make me realize that we're just counting days. Ooh, ooh. Say goodbye. C'était la pièce Say Goodbye de The Garlics. Comme on le disait un petit peu avant, ça ressemble un peu à June in the Fields, mais j'ai comme l'impression que c'est une légère tendance ces temps-ci de ressembler le plus qu'on peut à Ed Sheeran, peut-être. C'est ça. Mais c'était un peu moins minimaliste parce qu'il y avait quand même deux guitares et une batterie. Oui, exactement. Ce qu'il n'y avait pas dans June in the Fields, mais c'est une batterie très, très légère. Très, très légère, mais c'est très, très bon. Et bien, comme je le disais, si jamais vous voulez suivre sur les réseaux sociaux, eh bien, leur site Internet, c'est thegarlics.com. Même chose pour la page Facebook. Et ils vont s'en aller du côté de Los Angeles, comme je le disais, avant qu'on écoute la pièce musicale. Donc, on leur souhaite la meilleure des chances parce que c'est quand même un band d'ici. Alors, bonne chance. Bonne chance. Et t'as envie de parler de pousse et de gousse. De pousse et de gousse. Et là, je me demandais s'il y avait d'autres sortes de gousse. Merci à notre auditrice régulière, Michelle, qui nous dit qu'il y a des gousses de vanille. Mais Wikipédia nous rajoute encore plus que ça. Oh. La gousse ou légume est un fruit sec, déhiscent. Caractéristique de la famille des légumineuses ou fabacées, comme le follicule, la gousse est dérivée d'une unique carpelle soudée, mais à sa différence, elle s'ouvre par deux fentes. Hein? Ah. Chacune des valves emporte une partie du placenta et porte la moitié des graines. Donc, une gousse peut s'appeler aussi une cosse, comme une cosse de pois. Ah bon? Une gousse de petit pois vert. Hein? Une gousse spiralée de luzerne orbiculaire. Hein? Et d'autres comme ça. La gousse est resserrée, voire étranglée entre deux graines, la faisant ressembler à un chapelet. On dit alors qu'elle est lementacée. Les gousses sont variées dans leur forme et portent souvent des excroissances comme des enroulements, des aiguillons, permettant leur dispersion par les animaux. La gousse de l'arachide présente la particularité de s'enterrer pour achever sa maturation. Eh bien. Merci Wikipédia. Merci Wikipédia. Et t'as d'autres sujets, toi? Oui. Ben, j'étais pas certaine d'en parler, mais là, j'ai comme le goût d'en parler. Ben oui. On va parler un petit peu de Hermione Granger. Ah, yeah! Ma préf. Oui, de Emma Watson, en fait. On va parler beaucoup plus de l'actrice que du personnage dans Harry Potter. Tant qu'elle se soit pas recoupée les cheveux courts. Ah, même les cheveux courts, elle est tellement jolie, ouais, cette actrice-là. J'aime pas ça. Elle est tellement inspirante aussi, hein. C'est une fille qui fait beaucoup parler depuis qu'elle a fait son, son discours sur le féminisme, mm-hmm. d'ailleurs, à l'ONU. Mais là, je vous présente en fait une liste de 13 livres qu'elle recommande. Ah. Et comment est-ce que c'est venu à savoir qu'elle a recommandé ça? Tu sais, elle n'a pas été approchée par un site internet en particulier pour savoir, hey, c'est quoi tes 13 livres préférés? C'est par Tiger Beat ou c'est Teen ça. Pop ou un autre J'ai magazine. J'ai beaucoup plus l'impression que le site web Book Bob Blog, donc BBB. En fait, c'est très facile, c'est media.bookbob.com. Donc, quand je dis Bob, c'est B-U-B. Ah, OK. Et voilà. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont comme un peu stalké, ils ont fouillé le Twitter à Emma Watson, mm-hmm. parce que du moment qu'ils présentent un livre, chaque commentaire d'Emma Watson vient de son Twitter. Mais au moins, ça a pris un certain travail de recherche. Ben oui! C'est pas trop paresseux. Félicitations à la recherchiste de ce site internet-là. Alors, je vais y aller très rapide, là, parce que c'est pas... tu sais, je vais pas en faire une description très longue. Mais évidemment, il y a le livre par John Green, The Fault in Our Stars, qui est devenu un long métrage aussi. Donc, c'est maintenant un film. Oui. Évidemment, je pense que chaque livre... qui est très, très, très populaire auprès des adolescents et des adolescentes comme ça et jeunes adultes, va devenir un franc succès en film. En fait, je pense que la règle, c'est qu'on n'écrit plus rien. On fait juste des adaptations et des remakes. Ouais, c'est ça. C'est la nouvelle façon de faire. Le deuxième livre, c'est de B.F.G. par Roald Dahl. Okay. En fait, ça parle d'une orpheline, d'une petite fille orpheline qui se fait amener dans un autre pays. Et en fait, elle dit tout simplement que c'est son père qui lui avait lu quand elle était petite et qu'elle est retombée sur ce livre-là et qu'elle a adoré le relire, évidemment. Il y a un classique de Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, oui. Pardonnez-moi, je m'excuse, Saint-Exupéry. Saint-Matthew Perry. Ouais, c'est ça. Well, on Friends, je pense. Et c'est Le Petit Prince, évidemment, de Little Prince. C'est quelque chose, je pense que moi aussi, j'irais relire. Tu sais, je l'ai lu quand j'étais petite parce que, évidemment, à l'école primaire, les professeurs nous parlaient de ça et la plupart du temps, ils nous le faisaient lire aussi. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'en vieillissant, tu comprends différemment dans un livre ou dans un film. Et ils en ont sorti une version... adapté au cinéma. Cinématographique. Oui, aussi, hein, évidemment. Pas le choix. Hein. Alors, je crois qu'avant d'aller voir le film, je relirais le livre, tout simplement. Okay. Et il y a un autre livre, en fait, de recommandé par Emma Watson, qui est Mom and Me and Mom, de Maya Angelou. Et elle dit que c'est très, très, très inspirant comme livre. Donc, c'est une recommandation pour toutes les femmes de ce monde. Il y a aussi le livre « The Opposite of Loneliness » qu'on pourrait traduire par « L'opposé d'être tout seul ouais, » de la solitude. Vraiment... L'opposé de la solitude, ouais. Tiens, qui est écrit par Marina Keegan. Et c'est une fille qui travaille pour The New Yorker. The New Yorker? Oui. Le magazine? Le magazine. Américain, d'accord. Oui. Et tout juste avant de commencer son nouvel emploi, elle a écrit plusieurs anecdotes, plusieurs dialogues. Et c'est comme ça qu'est arrivé le livre The Opposite of Loneliness. Et Emma Watson qui dit qu'après avoir lu ce livre-là, elle a été connectée avec beaucoup d'autres lecteur du livre et c'est comme ça qu'elle a tissé des liens avec beaucoup de gens qui avaient apprécié le livre, eux aussi. Mm-hmm. The Fountainhead... qu'on pourrait traduire par... Les têtes fontaines? Ouais, je... Mais ça dépend. Est-ce que ça veut dire genre c'est le petit tapot qui reste sur une fontaine, peut-être? Peut-être. C'est par Ayn Rand. Okay. Et elle dit en fait que c'est un livre culte que tout le monde devrait lire et qu'elle a beaucoup apprécié ce livre-là. Évidemment, elle veut dire qu'elle a toujours apprécié là parce que... Elle n'en parlerait pas, puis je ne suis pas certaine qu'elle commencerait une description du livre complet sur Twitter. Là. Il y a juste 144 caractères, alors... On s'en tient à « J'ai beaucoup aimé aller lire ». Excusez, il y a beaucoup de sons bizarres ici pas en entendu, studio. Mais tu t'en viens, tiens. Il y a un autre livre qui s'appelle « The Remains of the Day ». C'est par Kazuo Ishiguro. Donc, j'imagine que c'est un petit peu plus asiatique comme livre. Mais elle dit que c'est très, très bon pour les expressions des conséquences de la vie et sur la discrétion de ce que l'on... Par rapport à quoi est-ce que l'on doit être discret dans la vie. Elle dit que c'est une partie d'elle qui est très, très, très sensible à tout ce qui est mentalité britannique et que c'est pas toujours bien vu d'exprimer ce que l'on ressent. Mm-hmm. Alors, de lire ce livre-là, parce que ça en prend beaucoup. Il y a Knots and Crosses par Mallory Blackman, Love Letters to the Dead par Ava Delara. Et elle dit que tout simplement, quand elle a fini le livre, elle s'est mise à pleurer. Non. Et que c'est très bon. Tout le monde devrait le lire. Je l'ai, encore une fois, je l'ai dit, là, elle a écrit les commentaires sur Twitter, hein, pas sur un forum de discussion de 140 pages. C'est 140 caractères. Et il y a le livre Tiny Beautiful Things par Cheryl Strayed, qui est un livre aussi sur l'accomplissement de soi-même, peut-être. Je pourrais décrire ça comme ça. C'est... elle dit qu'elle a remercié l'auteur et sur Twitter, puis par la suite, ils ont créé des liens très, très serrés. C'est aussi une adaptation cinématographique. Mm-hmm. Tu me vois pas arriver, hein? Mais non. Pas du tout, parce que j'ai l'impression... Ça revient plus tard? Non, bientôt. Mais c'est très drôle, parce que j'ai l'impression que personne sait que le film vient de ce livre-là, mais le film Wild... Il porte pas le même nom. Avec Reese Witherspoon... Arrête donc. ...a été beaucoup, beaucoup inspiré de ce livre-là. C'est quand même spécial quand tu n'utilises pas le même titre. Mais ils n'utilisent pas le même titre. Inspiré par et non pas une version cinématographique. Donc. Évidemment, mais il y a aussi le livre Wild... Ah, il y a un autre livre qui s'appelle... Okay. Ouais. Fait que tu sais, c'est quand même très, très, très drôle. Il y a le livre Quiet par Suzanne Cain et le livre Just Kids par Patti Smith. OK. Évidemment, c'est un livre qui est très, très, très honnête et brave, selon Emma Watson. Elle a beaucoup, beaucoup aimé la façon dont les mots étaient joués. Elle est tombée en amour avec ce livre-là et ça la rend beaucoup plus optimiste face à l'amour. C'est ce qu'elle en dit. Et le dernier livre de la liste qui vous est recommandé par Emma Watson sur le site media.bookbub.com, c'est The Shadow of the Wind par Carlos Ríos Zafón. Excusez, je suis pas très, très espagnol. Ça passe, parce ça passe. Il y a beaucoup d'accent dans son mot, dont sur des consonnes. Mais... ah, tu sais, t'es accent aigu. Hein, c'est... Ah, c'est ça. Mais c'est son auteur favori. Elle dit qu'elle aime beaucoup ce qu'il fait et qu'elle a lu ce livre-là en 2007. Mais c'est son livre ultime. C'est son livre favori. Elle avait juste 140 caractères. Elle a précisé l'année où elle a lu le livre. Ouais. Elle a lu le livre. En tout cas. Mais je pense que c'est un palmarès. C'est des titres qu'on entend quand même pas tout le temps fréquemment, certains ouais, plus c'est que ça, d'autres. Mais... C'est pour ça que je dis que, tu sais, elle a beau avoir joué dans Harry Potter, elle va pas nécessairement aller te mettre des livres de Disney là-dedans. Non, c'est ou, ça. Tu sais, très, très commercial. Ce sont des livres quand même que t'entends pas parler tous les jours, comme tu dis. C'est ça. Et, ça demande un niveau de maturité. Ben, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que Emma Watson est une inspiration pour beaucoup de femmes, ouais. Pour beaucoup de filles. Et si, madame, en littérature, ici, à l'université, vous cherchez un livre à lire, je vous conseille d'aller faire un tour sur la liste d'Emma Watson. Liste que tu vas nous mettre, évidemment, sur la page Facebook. Évidemment. D'Assemblage requis, si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait. Au retour, dans une vingtaine, on aura Gabriel Béhoud et la chronique dans les coulisses de la lutte. On va aussi parler encore un petit peu de publicité pour le temps qui nous reste dans la prochaine demi-heure. Mais pour l'instant, on se prend une pause. Vous êtes à Assemblage requis jusqu'à 9h30. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. C'est toujours à Assemblage requis en ce mardi 29 septembre 2015. Elle est Tania Baudin, moi c'est Mathieu Plante. Ah, t'as eu le temps, hein? Je pense que je m'en allais avoir le temps. T'avais l'air trop loin un peu. On s'en va entendre une pièce de Safia Nolin, la première de son album qui s'appelle évidemment... Les excuses. C'est ce que je voulais dire, je m'excuse de pas l'avoir dit moi-même en fait. Donc on écoute ça et au retour, on va avoir un petit peu de pub, genre la chronique, puis après ça, de l'improvisation. Ouh! 89 FM, c'est fou. J'ai appris à tort que les gens se déguisent. Ils attendent la mort sous le toit des églises. l'église que sur les montagnes se couche le matin. Les années sauvages qui nous rendent humains. J'ai appris à tort que tu te déguises, que tu jures fort sous le toit des églises, que sur les montagnes tu couches les femmes, que dans ta bouche les chansons rendent l'âme. C'est quoi la mode d'enregistrer ça? Dans une salle de bain quelconque, là. On va faire de la musique, puis ça va être bien bon. Mais voyons, ça a été enregistré sur son iPhone. Ah, OK, c'est ça. Je suis sûre que c'est ça. Mais fais tes excuses à la population, là. Je m'excuse. En fait, Mathieu et moi, on cherchait une chanson à mettre en onde directement et... Tania a choisi, en passant. On est peut-être pas tombé sa meilleure. Peut-être qu'on fera pas ça nécessairement souvent, choisir une chanson au hasard. Je veux pas blâmer Sophie Hanolin, mais si jamais avec cet album-là, t'as pu faire quelques profits... Genre une pièce pour t'acheter un café? S'il te plaît, va en studio. Bon, Parlant de café... Parlant de café, j'aimerais faire une brève salutation à Joel Robinson, qui est mon producteur de NASCAR en TSN, qui vient de me texter... Check la name Happy Jumper. National... Coffee Day. Alors, c'est la journée nationale du café, mesdames et messieurs. Nous, en studio, présentement, on est comme en manque de café. Oui, peut-être attend. Que vous le sentez aussi un peu. On devrait en prendre avant, mais c'est pas nécessairement... Mais moi, j'en prends un quand je me lève le matin. Mais, tu sais, comme la durée de l'émission, il y a un manque dans mes veines. Mais, joyeuse journée nationale du café à tous. Buvez-en. Il y a quelques places où le café est gratuit. Je pense qu'ici, à Trois-Rivières, il n'en existe plus, mais au Dunkin' Donut, ils donnent un café gratuit aujourd'hui. En même temps, tu sais, est-ce que tu paierais pour ce café-là chez Dunkin'? Non. C'est ça. Mais peut-être que si vous arrivez chez Tim Hortons et que vous leur dites... C'est la journée nationale café. Du café. Donne-moi un café gratuit. Peut-être qu'ils vont faire. Je moi, sais pas. Là, les gens qui n'aiment pas le café, je les trosse pas. Okay? Ah, moi non plus. Je les ai tous à dos. Je les aime pas. Tiens, oui, c'est vrai. Tania? Oui, Mathieu? Allume la TV! OK! Venez au bon marché! Oui, papa! Tout le monde aime! Je préfère le goût de I love you and I kiss you. 4,99$ la minute. C'est le moment de se faire une autre petite portion de notre chronique Le Bloc Pub où on parle de marketing, d'idées de pub pour vendre des produits. Commençons par Pornhub. Tu connais Pornhub? Non. C'est un site de porn. Mais c'est, je me disais que ça devait pas être un site de popcorn. C'est pas, sinon, ce serait Popcorn Hub, exactement. Voilà. Donc, Pornhub qui dévoile une nouvelle publicité qui brosse afin de lancer son nouveau jouet sexuel technologique. Est-ce que tu connais ce que ça veut dire, un jouet sexuel technologique? J'imagine que c'est contrôlé par une fonction technologique. Eh ouais. Pornhub a donc créé une vidéo décalée dans laquelle une paire de fesses vole la vedette. Le nouveau Twerking Bot, un jouet sexuel vibrant dont il est possible de modifier le rythme, la température et le style de danse à l'aide d'une télécommande ou d'un appareil mobile, est offert avec un casque de réalité virtuelle. La marque de matériel pornographique a voulu marquer le lancement du nouveau produit qu'il considère comme un point tournant dans la convergence de la technologie émergente et le plaisir immersif. J'étais comme déconcentré par convergence en voulant faire un jeu de mots de vagin, mais j'ai pas réussi. Ce n'est pas la première fois que Pornhub crée des publicités humoristiques et grand public. Au cours de la dernière année, l'entreprise avait lancé une vidéo pour financer son projet de film dans l'espace et dévoilé les pièces finalistes du concours visant à créer une publicité à caractère non pornographique qui pourrait circuler dans les médias traditionnels. Donc on va écouter la publicité pour Pornhub's Twerking Butt. Pornhub présente... une fille qui fait du yoga sur un tapis dans un gym avec une grande baie vitrée. On voit ses fesses, évidemment, dessus, et elle gifle une paire de fesses. On se retrouve au laboratoire Pornhub, un endroit inconnu, 10h22 du matin. Le programme Top Secret a commencé à créer un produit révolutionnaire. Là, on voit un gars qui mime des fesses dans les airs. Et des trucs très Minority Report, si on veut. On verse du liquide dans une fiole. On a ainsi des filles qui brassent leurs fesses avec des sensors dessus pour voir qu'est-ce que ça donne. On tape sur des fesses avec la tête et les mains. Et elles sont nées. Maintenant, les gens partout dans le monde pourront utiliser le twerking butt. On voit un gars dans un lit en train de forniquer avec une paire de fesses. Steven! Et là, on voit que le gars, il se mettait la bouche dans une paire de fesses. Il est très fier de lui. Ça continue longtemps, les gars se font des high-fives, t'en faisais des high-fives à une paire de fesses. Ça continue longtemps comme ça, on comprend le principe. Mais je comprends pas! L'idée de la paire de fesses, hein? Non! C'est ça? Ouais, parce que c'est pas vraiment comme... C'est pas comme t'insérer. Une poupée gonflable, pis c'est pas comme... Mais c'est pour aider au fantasme, j'imagine, avec... parce que t'as un casque de réalité virtuelle, OK? Ouais. Donc le casque de réalité virtuelle te montre une vraie femme avec une vraie paire de fesses qui fait du twerk, alors que la paire de fesses est supposée te faire sentir comme si tu touchais aux vraies fesses de la fille. Okay. Et toi, pendant ce temps-là, tu te fais ce que t'as à te faire. À te faire. OK. C'est un peu déplacé, hein. Ça continue en camping, deux gars, puis une paire de fesses, etc., etc. En tout cas, hein, tu veux pas poser de commentaire là-dessus, hein? Vraiment pas. C'est ça, tu fais bien, je te comprends là-dessus. Tu sais, je comprends les certains jouets sexuels pour hommes. Pas celle-là. Pas celle-là. C'est ça. ensuite, des bières pour oublier et d'autres pour rire des hipsters, hein? Dans un marché très compétitif, les bières doivent redoubler d'inventivité afin de se démarquer. Et pour y parvenir, la dernière tendance semble être l'humour. La marque Boca Maldita a récemment lancé une campagne imprimée créée par l'agence brésilienne Candy Shop. Elle s'oriente autour de la signature « Some days you just want to regret ». Il y a des jours où on veut seulement oublier, forget. L'opération jongle entre les problèmes que peut provoquer l'utilisation des réseaux sociaux, d'où la nécessité de boire pour oublier les mauvaises journées. Par exemple, your boyfriend commented his ex's photo on Instagram. Donc, votre point a commenté sur la photo de son ex sur Instagram. Il y a des jours que tu veux oublier. Et là, voici la Boca Maldita. T'as vu ta copine sur Tinder? C'est chiant! Excusez-le, mais c'est terrible! T'as vécu, toi? Non. T'as laissé ton Facebook ouvert à la maison? Ok, ouais. Je suis pas à la maison. Ok, ouais, ta copine pourrait voir ce que t'as commenté sur ton Ah, ouais, okay. Ta femme a lu ton WhatsApp. Oh! Tes conversations. Cette initiative est déployée alors qu'un peu plus tôt cet été, en Afrique du Sud, la brasserie autoproclamée anti-hipster Garagista a aussi fait parler d'elle. Une de ses campagnes faisait la promotion de sa bière aux larmes de hipster à l'aide de pubs se moquant ouvertement de ce groupe. Par exemple, nous leur avons dit que notre bière de microbrasserie n'était pas pour eux et ensuite nous avons fait de la bière à partir de leurs larmes. Hein? Nous leur avons dit que le plus récent film suédois était en couleur et ensuite nous avons fait de la bière avec leurs larmes. J'imagine que les films suédois sont supposés être en noir et blanc. Nous avons enlevé leur Wi-Fi gratuit et nous avons ensuite fait de la bière avec leurs larmes. Etc. Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a pas mal beaucoup. C'est quand même une drôle d'idée là, de rire les hipsters alors que c'est probablement à eux que tu voudrais vendre ta bière de mauvais goût comme ils boivent de la Pabst Blue Ribbon, les hipsters. Est-ce que t'as vu la dernière pub, par exemple? Je me suis pas rendu jusqu'en bas, c'est quoi? C'est fait avec 4 types d'avoine et des zestes de fruits. Par la suite, ça dit « et les larmes d'un groupe d'hipsters qui, leur grand-père, ne donnerait même pas leur cardigan. » C'est terrible. Ouais, ben c'est vraiment drôle. Et allez voir les photos sur assemblagerequis.com, comme toujours. À chaque température, son breuvage chez McDonald's. As-tu entendu parler de ça? C'est vraiment une idée géniale, je trouve. Une campagne qui a été déployée pendant le mois d'août, en fait. Ça s'est terminé le 30 août. La campagne de McDonald's gagnante pour l'Ouest canadien du plus récent concours Carte Blanche s'est déployée sur les panneaux numériques grand format du réseau numérique d'Astral Affichage dans la région métropolitaine de Vancouver du 3 au 30 août. Ce concept innovateur conçu par Cossette Communications affiche la température extérieure en temps réel et propose un breuvage McCafé approprié pour le temps qu'il fait. Les panneaux numériques ont été sélectionnés en raison de leur positionnement stratégique en bordure de l'autoroute 1 près de Vancouver North, la banlieue la plus populeuse de la région. McDonald's avait remporté l'édition 2014 du concours Carte Blanche. Exemple, tiens, on voit... attention, est-ce que je peux zoomer sur ces photos-là? Oui, je crois que oui. Quand tu veux, zoome-moi ça. Est-ce que t'es capable moi de zoomer? Moi non plus, ça zoome pas. Ça zoome pas, hein? Bon, mais bref... Ça zoome, là. Ça zoome? Moi, ça zoome toujours pas. Essaie de nous le dire, voir. Ah, tu vas pas me virer l'écran pour vrai. OK. Donc, on voit qu'il fait très, très chaud avec la température qui montre un certain degré. Et on te propose un mec café. L'autre, on te propose, vu qu'il fait un petit peu plus froid, c'est en fin de journée, on te propose un café latté, probablement avec de la mousse dessus. Hein? Et ensuite, il fait très, très, très, très, très surchaud et on te propose un smoothie aux bananes fraises ou mangue et quelque chose. C'est quand même une bonne idée. Hein? Ouais, oui. Les températures ben d'été. Oui. Ben oui, c'est ça. Excusez, merci je parlais pas dans le micro. Hey, ça fait plaisir. C'est cool, merci beaucoup. Ensuite... Les First World Problems ont leur remède. Tu connais les problèmes du premier monde, ce qu'on appelle à l'opposé donc du tiers monde. Il n'y a pas vraiment de façon en français de dire ça, mais un monde plus riche. Oui. Donc, sous Amsterdam, signe pour AIDS Fonds, une campagne de dons décalés mettant en vedette... Tout est décalé sur le web, hein? Mettant en vedette des médicaments qui résolvent... Okay. Tous les problèmes du quotidien. L'association néerlandaise a ainsi dévoilé une plateforme de commerce en ligne où il est possible d'acheter des médicaments permettant de voir des licornes, d'être toujours à l'heure ou de garder vos céréales toujours croustillantes. Une boutique a aussi été ouverte dans ses bureaux. En vendant ses pilules révolutionnaires et placebo, évidemment, hein? Placebo, c'est pas des vrais, hein? Pas des vrais. Le regroupement peut financer l'accès à un traitement à une personne atteinte du sida, d'où le nom AIDS Fonds, AIDS voulant dire sida, et ainsi combattre un First World Problem. Donc allons voir, tiens, quelques exemples. Ça zoome mieux sur celui-là. T'as le Pooping Glitter. OK. Un petit brillant, j'imagine, pour tes besoins corporels numéro 2. Gay for a Day. OK. T'as Surviving My Girlfriend's Period, survivre aux règles de ma copine. Grow Some Balls, se faire pousser quelques testicules. Perfectly Timed Jokes, des blagues insérées à un moment parfaitement opportun. Being Able to Pronounce Gizlig, être capable de prononcer un mot imprononçable. Always Super Wi-Fi, toujours un bon signal dans ton Wi-Fi. Instagram Followers, toujours avoir des suiveurs sur Instagram. Make Your Girlfriend Look Like a Dutch Girl, faire de votre copine une fille qui a l'air d'une fille hollandaise. C'est tellement méchant. Ça. Ah oui, c'est ça. Mais on s'entend que hollandaise, hein, c'est... Ça puis leur sauce. Leur fille et leur sauce. Leur fille et leur sauce. C'est ça. Mathieu, il est hollandaise. Ben, ouais, bien, ouais. C'est pas les seuls. Hein. Pub dans les ascenseurs. Captivate ajoute 2 immeubles à son réseau canadien. L'entreprise spécialisée en publicité dans les ascenseurs a augmenté son auditoire de 220% ces dernières années. 2 nouveaux bureaux s'ajoutent donc au réseau de Captivate. L'édifice Deloitte, de 26 étages à Montréal. En fait, j'ai mis l'article, pas nécessairement pour le lire parce que je trouve ça vraiment plate à date. Mais les pubs dans les ascenseurs, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée parce qu'on n'a rien à faire? Puis tant qu'à faire, c'est là la place pour les mettre, les pubs. Moi, je trouve que ça, c'est ça l'affaire. Ben ça, puis les salles de bain. Ça, puis les salles de bain. Je comprends l'idée de les mettre là, parce que en tant que tel, t'es pogné pour les regarder. Puis tu veux avoir de quoi à faire. Alors dans l'ascenseur aussi. L'ascenseur aussi, moi, c'est ce que je trouve. Alors que les publicités sur des panneaux sur le bord des autoroutes, moi, personnellement, je trouve que ça sert à rien parce que c'est déconcentrant, puis tu vas te perdre. Tu vas foncer en quelque chose. Je trouve que les tu pourrais manquer ta sortie à cause que tu regardes. Tu pourrais manquer ta sortie. Quelle place où je trouve que les publicités sont bonnes? Les arrêts d'autobus? Oui, évidemment. Tu sais? Quelle place est-ce qu'on trouve qui sont pas des endroits appropriés pour les pubs? J'ai trouvé un panneau publicitaire dans la cave de l'UQTR. Là où ils servent genre leurs affaires pour faire le ménage, les concierges. Il y a des pubs. Il y a personne qui passe vraiment là à part genre les employés de l'UQTR. Puis ils vont déjà les voir à la cafétéria, je comprends pas. Peut-être qu'il manquait de... Il y avait des pubs en trop. Mais peut-être que dans le temps, il y avait des cours dans le sous-sol de l'UQTR. Ah, ça se peut, ça. Ou peut-être que les gens, des fois, passent dans les souterrains pour changer de pavillon, mais c'est pas tous les pavillons qui sont connectés au souterrain. Ouais. Je sais pas si je peux donner mon petit avis là-dessus. Président. Moi, la pire place, là, des pubs, c'est avant, pendant ou après une vidéo YouTube. Oui, c'est vrai. C'est tellement vrai. C'est vrai, surtout ceux que tu peux pas skipper. Non, ça c'est... Ça c'est enrageant. Et moi, je rajouterais avant, pendant et après des émissions de télévision. On est en 2015, j'ai skippé pareil. Ouais, mais on n'a pas le choix, là. Mais je comprends pas encore que ça fonctionne, parce qu'à partir du moment où le monde peut enregistrer ou skipper, tu mets ça sur pause, attends 30 secondes, puis là, tu vas pouvoir retourner à ton émission, puis pendant ces 30 secondes-là, t'as le temps d'aller faire du popcorn ou je sais pas trop, là. Tellement. En France. Ouais, mais c'est rendu que même, tu sais, exemple, que tu vas sur Illico, là, ou que tu vas sur Vidéotron, il y a des pubs dans leurs émissions que tu peux réécouter. Il y a personne qui les écoute. Quand c'est rendu qu'il faut qu'ils mettent des publicités pendant le petit 30 secondes avant, genre on va prendre une pub de, on va prendre une pause de une minute, genre à Fort Boyard, mettons. Ouais, puis là, t'as comme à Radio-Can, t'as le petit décompte dans le coin. C'est ça, le décompte dans le coin. C'est rendu qu'il y a ça, genre à VRAC, puis toutes les chaînes ont ça. Puis en plus, c'est rendu qu'il y a des postes qui se synchronisent à ça. C'est comme, ils appellent ça ménage à trois. C'est comme trois réseaux de télé que leurs publicités sont faites pour être synchronisées. Ouais, ouais. Ben moi, je me rappelle très bien, je peux t'en nommer, il y a Canal 2, Série Plus, Historia, Canal Z, tout ce qui est belle média, puis Musique Plus. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Ça, je me rappelle, j'avais le câble ordinaire, là, genre TVA, c'est le 7, là, puis toutes ces affaires-là. Ouais. Si tu zappais parce que tu pouvais pas skipper, là, tu pognes 7 fois le même pub de Tide to Go. Là. Oui, tout le temps les meilleures publicités. Ah oui. Mais ça, c'est comme le sketch de Louis José Hood, justement, sur les pubs. Sûr. Ok, raconte. J'ai jamais vu ça. Ah non? Il disait exactement la même chose que nous. Ok, il fait qu'aller pas le voir finalement, parce que ça m'a fait c'est... Non, mais tu sais, on est plus drôle, on parle moins vite. Trois fois, boum! On parle moins vite. On se parle plus par-dessus, par contre. Ouais, c'est correct, ça. Louis José Hood se parle rarement par-dessus. Donc voilà pour le bloc pub. Dans quelques instants, vous l'avez entendu, sa voix, c'est celle de Gabriel Béhoud. Au retour, on fait Dans les coulisses de la lutte. Vous êtes à Assemblage requis jusqu'à 9h30. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki en ce mardi 29 septembre 2015, c'est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, Gabriel Béo est toujours avec nous et dans quelques instants, il va nous parler d'improvisation. Oui. Oui. Mais avant ça, un classique de l'été qu'on n'arrête pas de ramener parce que c'est toujours aussi bon. Et parce que nous, on aime ça. On en est obsédé, je crois. Je pense que oui. Hein? C'est la bronze, voici Explose-moi. joue dans les veines, qui te fait rougir quand elle te dit des choses, celle qui porte le nom que tu donnes à ton chat. J'aurais voulu être celle qui peut prendre ta main sans permission, celle avec qui, dans la pluie, tu es heureux. La la la. Ok, là, je chante plus. La la la la la la la. Ok. Tania, t'es un petit peu rabat-joie, je trouve. Ah, je suis désolée. Enfin, j'ai pas embarqué avec vous? Ben oui. Ah, excusez, j'étais en train de passer au café qui suivait l'émission. T'es pas dans le crew, man. T'es pas dans le crew? Ah, j'étais pas dedans par tout. Ah, d'accord. Donc, Gabriel Béhoud qui est là. Voici dans les coulisses de la lutte. De la Luître avec Gabriel Béhoud, bonjour! Hey, salut Mathieu Plante! Ça va bien! Super bien et toi? Ah, tellement! Il y avait un match hier soir, hein? Oui, c'était le match Showcase! Showcase! Donc, un spectacle valise! Exactement! Donc, on voyait les quatre nouvelles équipes en action. Mm-hmm. Et notre reporter sur le terrain est de retour cette semaine! Oh oui, avec une chronique tout aussi longue et remplie de pep que d'habitude. Du pep! J'en veux du pep! Donne-moi du pep! Gabriel Boutant-Tréhoud. Ça s'en vient. Ça arrive. Oui, oui. Non, là, ça se passe. Parce que là. Pendant ce temps-là, Mathieu, j'aimerais faire de quoi? C'est un de mes rêves. Allez, Tu me laisses 30 secondes? Oui, s'il te plaît, vas-y. Parce que c'est un de mes rêves. C'est une émission que j'adore particulièrement. Okay. Et puis, j'ai vu ça sur le bureau, puis je peux pas m'empêcher de le dire. Oh non, le vendredi, à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon. Redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead. Ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de rock. Pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Aïe! Yes! Bravo, tu l'as, ils vont t'engager, c'est quoi? Incroyable cette émission-là. Publicité en live. À Pendragon et Monsieur Lefebvre. Vous écoutez lundi soir le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Alors, bonjour, mon nom est Gabriel, je suis votre reporter pour la LUITRE, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Je suis aux abords de la Chasse-Galerie pour le match Showcase qui mettra en place les quatre nouvelles équipes de la saison 2015-2016. Les oranges, les rouges, les verts et les bleus. Je vous réserve une petite entrevue avec les joueurs substituts de chacune des équipes. Alors bon match, Chasse-Galerie. Face à face. Alors, je suis avec la joueur substitut de l'équipe des Orange, Janie Gagnon-Pellerin. Janie, comment tu te sens avant ton premier match? Je me sens très fébrile. Et toi, Janie, c'est quoi ton repas préféré? Moi, j'aime beaucoup le poulet. Ton repas moins préféré? J'aime vraiment pas le pâté chinois. Est-ce que tu as un animal de compagnie? J'ai un cochon d'Inde. Il s'appelle? Charlotte. Génial. Je vais te souhaiter un bon premier match et une excellente saison, Janie. Merci. Face à face. Alors, je m'entretiens avec Vincent Boisvert et les choses sont particulièrement bien faites. Il est le joueur substitut de l'équipe des Verts, comme dans Bois Vert. Vincent, comment tu vis tous les jours avec ton nom de famille? Ouais, ben écoute, c'est un esprit d'équipe. Écoute, on travaille tous ensemble, on pointe tous dans la même direction, puis c'est comme ça qu'on réussit à progresser de jour en jour. C'est la meilleure réponse que j'ai entendue au sujet d'un nom de famille dans toute ma carrière. Et puis, comment tu envisages cette saison? Ah ben écoute, c'est avec des entraînements, puis écoute, on suit le plan de match, puis avec ça, ça va nous permettre d'atteindre les objectifs qui nous ont été élevés. Et ta couleur préférée, Vincent? Je dirais le rose kiwi. Merci et bon match. Merci. Face à face. Alors, je suis avec probablement le meilleur des substituts, parce qu'il joue dans l'équipe des Rouges, une équipe fabuleuse, Nicolas Marino. Nicolas, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ben écoute, je suis allé au cinéma, je croyais que j'avais quelque chose à faire, alors je suis allé voir Sans issue, c'était cool, j'ai kiffé quoi. Et puis Nicolas, ton accent te vient de quelle région? Je suis venu au monde dans la région de Radun. Ça s'entend très bien. Et puis, si tu nommais un endroit à visiter à Radun, quel serait-il? Ouf. Je dirais la bibliothèque, bien que je n'y passe pas beaucoup de temps. Quel farceur littéraire. Merci Nicolas et je te souhaite un excellent match et une bonne saison. D'accord, on se voit dans un gros glory hall. Face à face. Alors, le joueur qui se présente devant vous, dans vos oreilles, est Frédéric Simon. Frédéric, comment est-ce que tu entrevois le match de ce soir? Avec mes yeux. Frédéric, est-ce que c'est vrai que tu tripes sur le pâté chinois? Oui, mais pas le ketchup. Qu'est-ce que tu mets sur ton somptueux pâté chinois? Je le mange sèche. Est-ce que tu as un animal de compagnie ou un animal fantastique? Je crois que mon animal de compagnie est un animal fantastique. Comment se nomme-t-il? Shadow. C'est quel genre d'animal? C'est un chien, mais il est un peu bizarre. C'est en effet fantastique. Alors, je te souhaite une excellente saison et un fantastique match, comme Shadow. OK. Donc, l'improvisation est terminée et je discute avec un arbitre du circuit de la Luître. Monsieur Tanguay, comment avez-vous trouvé les substituts? Les substituts, faut comprendre que c'est un soir où on se fait garrocher devant 140 personnes, ce soir environ 150, qu'on a sur le dos un statut de substitut qui, tant qu'à moi, ne veut pas nécessairement dire « t'es moins bon que le monde », ça veut plus dire « t'es pas encore tout à fait prêt, mais t'as un potentiel ». Et ils se sont extrêmement bien débrouillés ce soir sous cette pression-là. C'est vraiment... j'ai été impressionné. Problème technique. Non, mais ça continue de jouer, ça, l'affaire. Le fichier continue de jouer, il n'y a juste rien dedans. Ça fait rien, genre. Il n'y a pas de Saint-Jean. Bon, ben, vas-y, Gab, fais d'autres entrevues en direct. Le reste, c'était quoi? Il reste 1 minute 30 environ. Résume-nous les dernières 1 minute 30. Bon, la dernière 1 minute 30, là, c'est Maxime Tanguay qui parle. Là, fait que. Ouais, pas grave. Non, je sais, il parle de lui. Là, ouais, pis... J'écoute le reste. J'avance rapidement à travers le fichier. Il n'y a rien qui se produit. On n'entendra même pas la tonne de fin. Pourtant, ça fonctionnait. En tout cas, tout ça pour dire, Mathieu, qu'hier, on a eu le droit à un excellent match où on voyait les 5 équipes évoluer. Et tous les joueurs jouaient. C'est-à-dire que même les substituts étaient présents. Je l'ai essayé dans un autre logiciel, ça marche toujours pas. Désolé pour la fin du fichier. Je te le redemanderai puis on le rajoutera pour les rediffusions. Il n'y a pas de problème. Tout ça. Donc faisons comme si on revenait de la chose de lancer compte. Chante-nous de lancer compte. Je sais pas ce qui m'arrive. On dirait que le monde est en train de changer. En tout cas, ça ressemble à peu près à ça. Et c'était donc Gabriel Boutentrain-Houd, notre reporter sur le terrain. Merci Gabriel Boutentrain-Houd, qui est le frère de Gabriel Béhoud. Je sais que Tania l'a pas encore rencontré. Ouais, non. Ils sont jamais dans la même pièce en même temps, je sais pas pourquoi, mais... Non, non, c'est comme Batman et Robin. Pareil, mais comme pas du tout. Ouais, c'est ça. Si par pareil, tu veux dire complètement différent. C'est comme Batman et Bruce Wayne, je pense. Et Robin. Ok, excuse-moi. Non, tu connais plus ça que moi. Ben là. T'es un geek, là, ça paraît. Bruce Wayne et Batman. Et Batman. Et Robin. Fait que eux autres, ça. Et Robin, ils en plus. Batman et Robin, suivez un peu. Oh, oui. C'est quoi ton super-héros préféré, Gabriel Béhoud? Boutentrain. Non, mais là, lui, c'est Béhoud. Son frère, c'est Boutentrain. Ben moi, je te dirais, c'est Batman, je l'aime bien. Ah, c'est une bonne question, ça m'attend. Pense-y pendant qu'on parle du match de hier soir. Qui faisait s'affronter les verts contre les rouges. Oui. Déjà un match de Noël de départ. Ben oui, on commençait avec les cadeaux, tu comprends? C'est ça. Et les bleus versus les oranges. C'est en plein ça. Puis on joue dans deux parties différentes. La première partie était arbitrée par Elodie Mongrain. Oui, qui sera une arbitre régulière de la Ligue, en fait. Tout à fait. Donc, elle a fait son entrée sur la scène pour la saison 2015-2016 avec les rouges et les verts. En donnant plein de pénalités à tout le monde. Oui, notamment une pour mâcher de la gomme. Oui. Qui est une procédure illégale. Quel joueur mâchait de la gomme déjà? Oui. C'était Gabriel B. On a le droit à un retour d'une catégorie que je trouve, ma foi, incroyable et très très le fun à jouer. Laquelle? Pimp mon thème. Pimp mon thème! Alors là, ça je t'explique, Tania. Okay, Pimp mon thème, tu te prends pour exhibit. Donc, t'as le thème le plus long de la planète. Okay. Après, tu prends les éléments thème du thème. Ce que t'en retiens, disons. Exact. Ouais, vraiment, ce que tu retiens. Tu te montes un thème à la carte. OK. Donc, tu peux faire pas mal n'importe quel thème avec ça. Et puis, ça donne quelque chose de, ma foi, très, très comique. Ça doit être très drôle. Ouais, c'est vraiment hot. C'est une des spécialités de Mme Mongrain. Elle nous donne droit à cette catégorie-là une fois de temps en temps. Mm-hmm. Ooh. Tiens, on peut, tant qu'à parler de la première partie, des équipes. Oui. L'équipe des Verts, la capitaine, c'est Nadia Tronche-Montagne. Oui, qui était une ancienne joueuse de Orange l'an dernier qui avait relevé le défi avec brio. Elle change de parti, hein, parce que chaque couleur, la couleur de parti politique aussi, il faut exact. Quand même le dire. Oui. Son équipe est composée de Magali Brousseau-Arcan qui revient de l'année passée. Oui. Dans la même équipe, je crois. Oui. Exact, elle retourne dans les verts. C'est ça. Il y a des nouveaux, Samuel Desjardins, Francis Ugré-Lampron et Vincent Boisvert. Ben oui, trois nouveaux. C'est une grosse équipe de nouveaux. Quand même, 60% de l'équipe, c'est des nouveaux. T'es fort en maths? Si je suis fort en maths, quand même. On me surnomme TI-83. Du côté de ton équipe, celle des Rouges, t'es capitaine, Gabriel Béhoud. Oui, oui, oui. T'as ramené Alexandre Marchand des Oranges. Oui, j'allais subtiliser au draft, là... J'ai dû me bagarrer pour, mais ce joueur-là me fait franchement cramper. Absolument. Et le reste de ton équipe t'a fait pareil comme les Verts. Que de nouveauté. Donc, Alexandrine Pichessir, qu'on connaît comme chroniqueuse ici même à Assemblage Requis depuis l'année passée. Jean-François Chaps, Chapdelaine. Et Nicolas Marino. Exact. Substitut. Donc, c'est ça. 60% de mon équipe aussi, c'est des nouveaux. C'est important pour toi. Oui, moi, je suis un gars de pourcentage. Comme tu étais nouveau il y a quelques temps quand même. Oui. Tu sais ce que c'est d'être nouveau et tu veux te faire repêcher par un capitaine. Ah, définitivement. Surtout le camp, c'est une période qui est vraiment stressante. Mais là, c'est terminé parce que les équipes sont formées. C'est terminé. Donc, ça, c'est la première partie. Arbitre Élodie Mongrain, co-animé par Antoine Lacasse. Oui. On a renversé les rôles pour la deuxième partie. C'était Antoine Lacasse qui faisait sa première expérience en tant qu'arbitre. Oui, exact. Donc, l'ancien... Un peu. C'est ça. Donc, cette année, il va y avoir une rotation à 3 arbitres, en fait. Ah, OK. Ah, ça, oui. Okay. Ils vont tous arbitrer un match sur 3. Okay. Donc, nos arbitres sont Maxime Tanguay, Élodie Mongrain, et puis... Antoine Lacasse. Exactement. Donc là, Antoine a été arbitre pour la première fois sur les planches de la Luître. Oui, c'est ça, parce qu'il avait déjà fait... Il avait déjà fait au carnaval étudiant. Oui, exact. Mais c'était pas sur les planches du non. Mais là, c'était dans un cadre beaucoup plus sérieux. Oui, officiel. Oh oui, surtout plus intelligent. En fait. Mais tu vois qu'il était quand même habitué de regarder les arbitres parce que ça avait pas l'air de sa première fois. Si on l'avait pas dit, on l'aurait jamais su. Non, pas du tout. Il a très bien fait ça. Il était prêt pour un bris d'égalité à la toute fin. Ah oui, un bris d'égalité. Ça, c'est le fun de commencer une saison comme ça. Ça l'annonce une saison qui risque d'être serrée et enlevante. Ça finit combien? C'était 4-3, je crois, pour quelle équipe qui a remporté la deuxième partie, les oranges ou les verts? Est-ce que tu t'en rappelles? Ben, pas les verts. Hein. Les verts, excuse-moi, les oranges ou les bleus. Si je me rappelle bien, c'est les oranges. Les oranges, alors que la première période, c'était les rouges contre les verts et les rouges l'ont remporté 4-1, c'est ça? Oui. Comme ça. Ouais, ouais, ouais. J'essaie de m'en rappeler par cœur, mais ma feuille est dans l'autre bureau. Mais il me semble que c'est ça. C'est ça, c'est ça, t'as raison, c'est ça. C'est ça. Bref, mais les rouges, on l'a emporté. Ouais. Tu sais, pour dire que ça compte-tu vraiment? Non, mais en fait, ça, c'est vraiment un match. C'est comme un match hors saison, là, comme les 9 derniers matchs qu'on a vus dans la Ligue nationale du Canadien Montréal. qu'on a gagné hier. Ah, ouais, exact. Oh. Ah, il y avait ça qui jouait dans la chasse. Quel manque de respect de jouer du baseball dans la chasse pendant les du baseball. Ben oui, le Canadien de Montréal. Ben oui. Du hockey. Hey, arrête de me niaiser. Aïe. Bleu contre orange. Les bleus, c'est le capitaine Vincent Raville. Oui. Il a été recruté d'une de mes anciens coéquipiers avec qui j'ai gagné la coupe l'an dernier. Vanessa Fortier et Frédéric Bernard. Ça va faire des flemèches cette histoire-là. Oui. Vanessa et Fred qui sont habitués de jouer ensemble oui. tout le temps. Oui, oui. Ça pourrait faire quelque chose de très bon. Oui. On a ramené aussi Marc-André Marion Flamand. Oui, exact. Comme un vétéran de l'année passée, qui était joueur régulier l'an dernier, qui a fait sa place dans l'équipe. Exact. Et une seule recrue chez les Bleus, c'est Frédéric Simon. Oui. Donc, c'est le joueur substitut de cette équipe-là. On a pu l'entendre notamment dans la mini-chronique. Donc, je tiens à préciser, là, pour les amateurs de pourcentage, son équipe est composée à 13,4% de recrues. Aïe, aïe, c'est le plus faible taux de recrues dans l'équipe jusqu'à maintenant. Oh, de l'histoire. Ouais. Ah oui, t'as des preuves de ça? Je pense. Et chez les Oranges, c'est l'équipe d'Alexandre Laramiswiki, même capitaine que l'an dernier. Parce exact. Donc, il nous a ramené. Et lui, c'est quand même. Il a une technique particulière, Alexandre Laramiswiki. Oui. Je pense qu'il voulait promouvoir ou donner une promotion aux substituts de l'an dernier. Oui. Parce que Marc Lachance et Céline Dodier-Côte étaient des substituts de l'an dernier. Et là, montent au niveau de régulier. Oui. Dans la même équipe. Oui, exact. C'est bizarre quand même. C'est une bonne idée, je trouve. Oh, oui, ils ont pris du galon l'an dernier. Et puis... Voilà. Mais on voit rapidement que c'est pas un amateur de statistiques. C'est ça. Parce que clairement, deux recrues. Non, exact. Donc là, c'est au moins 400-500% de recrues. Là. C'est ça. On parle de Jonathan Picard et Jenny Gagnon-Pellerin. Oui. Donc, cool. 233 pour un, 277 pour l'autre. Il prend pour bâton le nombre de retraits de... Oui, oui. C'est ça? Moyenne. Moyenne ou bâton? Au bâton. Oui. Si on fait la chiffre médiane, on arrive à orange. Ah! Ah! Ouais, on sait pas ce que ça veut dire, ça mais... Ça a l'allure, hein? C'est médiane, c'est ça. Exact. Médiane Lavalée. Oui. Pas mal. ça me rappelle notre top des actrices préférées québécoises de la semaine passée. Oui! Oui. Ça me rappelle ça. La fille était Laurence Leboeuf. Oui. Qui est la fille de Diane Lavalée, ça? C'est la fin. Du gars des colliers, là. Du gars des colliers, Marcel Leboeuf. Sapino. Sapino. Donc, le match showcase qui avait lieu hier soir, lundi, le 28 septembre, s'est terminé, comme on a dit, avec les gagnants orange et rouge. Exactement. C'est ça. Le prochain match, c'est lundi prochain, le 5 octobre. Ouais. Je pense qu'avec le Q, on peut faire la liaison en 5 octobre. Oui. À 20h, chance gagnée gratuite. Et ça va être les verts contre les bleus. Exactement. Ça va ressembler à quoi, ça? Ça risque d'être un match enlevant, premièrement. Okay. Ouais, ouais, ouais. Deuxièmement, ben, on a une équipe chevronnée versus une équipe composée à 77% de recul. Oui. Donc ça peut être très intéressant parce qu'on va voir le choc que ça peut occasionner. Ils sont dedans, là. On a deux équipes qui sont très constructrices. Oui. Donc ça va être pertinent de voir ça à aller parce qu'on va voir des belles longues impros. Oh. Ça va être fun. J'ai bien hâte de voir tout ça se dérouler lundi prochain à 20h. Oui, à la Chasse Galerie, c'est gratuit. Toujours gratuit. Oui, oui. Bon. Donc, est-ce que tu as eu le temps de trouver ton super-héros préféré? Oui. Je dirais Batman. Ah oui, hein? Ben, parce que moi, je l'aime parce qu'il fait preuve d'audace, d'intelligence. Il est beau bonhomme. Puis il a du cash. Du cash money. Toi, Matt. Moi, je vais aller dans les super-héros. Je sais qu'un super-héros, ça doit potentiellement avoir une cape. Oui. OK. Mario a une cape dans Super Mario World. Fait que mais c'est pas un super-héros. Ouais, c'est pas un super-héros. Il sauve le village champignon. C'est un personnage. Il sauve le royaume champignon. Moi, je préfère Luigi ou Waluigi. J'aime les deux. Le petit champignon, moi, j'aime bien le petit champignon. Toad. Ouais. Ok, ben d'abord, personnage préféré. Alors, on va commencer par ton super-héros. Tania, lequel, ton super-héros? J'irais un peu comme Gab avec Batman. C'est un classique, je pense, puis j'ai vieilli avec Batman. Ses parents sont morts. Oui. Ouais. Personnage préféré de Mario, donc Toad, on l'a compris, toi? Oui, ou ben, moi, je dirais Luigi ou Waluigi, je les aime bien. Ah, ok, cool. Moi, j'irais avec Rosalina dans les Super Mario Galaxy. Rosalina, qui c'est qui, elle? La gigantesque princesse là, des étoiles avec les longs cheveux blonds. Ok. Geek. Personne ne connaît ça. Personne ne connaît ça. Ceux qui ont joué à Super Mario Galaxy 1 ou encore Super Mario Galaxy 2. Genre les deux personnes au Québec. Ah, toi et puis ta sœur. Ma sœur a jamais joué à Mario Galaxy, tu sauras. Attends un peu, moi t'as trouvé, moi, Rosalina. Je veux voir ça, montre-moi ça. Je peux vous montrer, Rosalina. Ah, ben Mathieu, tu m'amènes sur une question à vous poser. Le personnage le plus sous-estimé que vous aimez, parce que Rosalina, visiblement... T'as vu Rosalina, là? Ah, elle est-tu dans... Ah, mais là... des jeux de sport plus récents. Est-tu dans Super Smash? Ah, je crois qu'il est rendu dans Super Smash. En vrai, Elsa, dans... C'est ça son nom, Elsa, dans l'art de... Ah, c'est ce personnage-là que dans Mario, elle chante. Let it go, let it go. C'est ça, le Mario, ouais. Let it go. Ouais, on dirait la princesse dans Let it go. Ouais, ouais. En tout cas, moi, je l'aime bien. Vous me jugez... Et dans Mario Kart aussi. Dans le ça, Mario Kart. OK. Elle doit perdre. Le plus sous-estimé... Comme ta sœur! Le personnage le plus sous-estimé que... De jeux vidéo ou... En général. En général. Gabriel Boutantrain-Houd est très sous-estimé. C'est comme dans Il est sous... Estimé. Estimé, ouais. J'irais avec... Hey, c'est une très bonne question. Mais my God, je pense que j'irais avec Donkey Kong. Hey, j'allais dire Dixie Kong. Hey, on connecte tellement, j'allais dire Dixie Kong. Hein, t'as vu la complicité qu'on a? M'avez eu. Malade. Moi, c'est le gars dans l'annonce des gommes Nicorette. C'est vrai, ce personnage-là est malade. Sa seule réplique, c'est « Hum, c'est pas mauvais. » À cause qu'il goûte une gomme, mais ce gars-là m'a marqué à vie. Vous avez vu dans l'annonce des assurances, là? Intact Assurance? Oui, Intact Assurance. Le genre de chevalier, là? Ouais. Ah non, le gars qui paye Saint-Piton. Bonjour, bienvenue chez Intact Assurance, on va vous ouvrir votre dossier. Là, il y a comme un timer, là. Ah oui, parce que tu sais, comme il y a un arbre qui a passé dans le plafond. Ouais. Incroyable. Pas possible. T'es pas à la TV. Ah, c'est vrai, t'as pas la TV. Maintenant, le personnage le plus surestimé, celui que le monde aime, là, puis vous êtes là, c'est un abruti. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Pourquoi est-ce que les gens l'aiment? Superman. Oh! La réponse fut rapide. Ouais. Surestimé. Je trouve. Hey, le dude, il se promène avec des collants pis des bobettes par-dessus. Ah, quoi que, ça pourrait partir d'une nouvelle mode. Comment ça que c'est jamais arrivé, cette mode-là, dans la vraie vie tous les jours? Tu fais-tu vraiment, je te dis, tu veux avoir l'air d'un super-héros? Ça a l'air qu'il est super shafté. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai. C'est ce qui fait qu'il vole, en fait, on le voit pas, mais il vole avec sa queue par là. Son genre d'aileron. Son genre d'aileron. Ouais, ça dérive. Puis ça aide. C'est un fait. C'est terrible comme commentaire. Moi, je pense que j'irais avec Spider-Man, parce que je trouve que le pouvoir, le pire... Le nom de ce pouvoir-là, c'est le pire nom de pouvoir ever. Okay. Toi, l'araignée! Non, c'est genre... Oh, mais Spider-Senses are tingling. Le sens de l'araignée, là. Ouais. Si les araignées, ils avaient vraiment le sens du danger, puis ils savaient, là, genre, prédire l'avenir en partie... On pourrait pas les tuer, hein? Tabarnak! On serait... Oh! Tabarnouche, on serait gouverné par des araignées? Pip, pip, pip! Excusez, je me suis fait emporter, mais je l'ai, moi, Spider-Man! Aïe, aïe, mais je pensais pas à déclencher les émotions de même en posant la question. Mais moi, je reste dans l'univers des Mario. Le plus surestimé, c'est Bowser parce que c'est tout le temps le plus facile à battre. Ouais. Parce que je fais un petit coup de poum, tu passes en dessous, tu passes en dessous! Tu vas appuyer sur le bouton en fin du tableau, tu passes en dessous, dit Bowser. Ouais. Dans bien des jeux. Mais par-dessus. À la fin de Super Mario World, là, au SNES. Oui, il est quand même tough à battre, là, dans son genre de petit hélico, là, qui garoche des boules de quai, là. C'est ça. T'as raison. Il est plus difficile, mais il est pas ultra tough, mettons. Quand même tough. Il est surestimé. Il est bon pour kidnapper la princesse, mais après ça, ouais, il se laisse aller un peu. Avais-tu déjà vu la théorie que c'est finalement Mario le méchant? Oui, j'ai vu ça. Mais c'est quand même bon. On a parlé un petit peu, c'est Video Game Theorist, quelque chose comme ça sur YouTube, qui fait cette théorie-là. Allez voir ça sur YouTube, c'est vraiment très intéressant. Aussi, l'autre affaire par rapport à peut-être que Luigi serait genre le père de, je sais pas trop, le Peach ou Rosalina, je me rappelle plus trop. Bref, il y en a plein de théories et elles sont toutes très bien expliquées par le Video Game Theorist ou Ice Game Theorist. Votre personnage Harry Potter préféré? Ah, Hermione. Et 3, 2, 1. Hermione, clairement. Ah. Super sa beauté. Toi, moi, j'irais avec le gars qui est comme un œil de vite, là, qui se fait aller. Ah oui, là. le professeur là, qui est pas correct dans force le du mal, cap. Ou je sais pas trop. Ouais. J'ai jamais vraiment écouté ça, Harry Potter. J'ai écouté le premier, puis c'est le seul pas mal que j'ai vu. Tu sais, il y a une jambe de bois. Puis un œil qui se dans la coupe du feu. J'ai les toutes vues, mais ça. Fou, ça a sorti par l'autre oreille. C'est mieux Lord of the Rings. L'autre œil. J'ai pas vu Lord of the Rings. Quoi? Quoi? Et ça se dit geek? J'ai non, pas vu ça. Star Wars jusqu'à genre cette année. Quoi? Ouais, je sais. Puis ton verre? Yoda, clairement. Yoda? Ben oui. Ah, dude, la princesse Léa. Je vais mettre Jabba d'un. Elle fait rien. Elle sert à rien, la princesse Léa. Hey, elle a des brioches sur la tête pis elle tire du gun. C'est ça qu'elle donne le fun. Oui, hot, princesse Léa. Léa. Léa. Moi, j'aime bien le genre de sbire de Jabba le Hutt. Que sa seule réplique, c'est Oh, Jana Wango. Il dit ça dans tout le film. Il y a un genre de tentacule. Là. C'est qui l'autre à moustache, là? Le gars à moustache, là. Ah oui, celui qui, à un moment donné, là, il vole. Lando Calrissian. Ben exactement, oui. Puis Lando Calrissian, c'est à lui le Faucon Millenium. Puis oui. À un moment donné, il attaque comme la. À la fin du 3, là, il attaque la. Dans le fond, l'étoile de la mort. Ouais, il l'attaque. Ouais, ouais. Puis il s'habille comme Han Solo, pareil, pour aucune raison. Ouais, ouais, ouais. Mais il est habillé pareil. Ça, j'ai appris ça dans le spécial Family Guy. Parce qu'à un moment donné, il nomme, il dit hey, je suis habillé pareil comme Han Solo, pour rien. Puis il regarde la caméra, puis il dit vous irez voir. Vous irez voir, vous allez comprendre, ouais. Gab, j'ai trouvé ton personnage Harry Potter. C'est Alastair Maugrey. Alastair Maugrey. Ah. Il parle de même pour vrai. C'est pas pire, hein? Ouais. Es-tu dans la famille avec quelqu'un? Non, c'est le professeur avec l'œil qui bouge. Là, OK. Dans le 4. J'aime bien les Weasley aussi, ils me font bien rire. Oui, les roux. Ouais. Les roux. Oui. Avec c'est le fait. Père qui est comme un petit chapeau bizarre. Hein. Ouais. Pas un vrai chapeau de sorcier. Mm-hmm. Parlant de les roux, là, hier, la DJ au match de lutte a fait jouer du LaRue. Je savais pas qu'elle existait encore. Existe encore, LaRue? Bulletproof, elle existe encore. Ouais, mais si c'est Bulletproof qui a joué, c'est parce qu'elle existe. Ah, peut-être plus, c'est un hit passé. C'est ça, tu sais, un one hit wonder. Moi, j'aimais ça quand elle avait joué ça. Ouais, c'était cool, mais c'est la seule chanson qu'on connaît de LaRue. Bulletproof. Hein? À l'épreuve des boulettes. À l'épreuve des boulettes. Des boulettes. C'est bon, ça. Je sais. Merci. C'est tout pour la chronique dans les coulisses de la lutte. Oui, on était encore dans la chronique dans les coulisses de la lutte. Ça a l'air. Parce que la musique joue encore. Boulette, boulette, épreuve des boulettes. Nous, tant qu'à terminer la chronique dans les coulisses de la lutte, je vous suggérerais, par le fait conséquemment, de terminer aussi l'émission Assemblage requis. Non. Là-dessus, je sais, c'est de même. Et on va se retrouver demain entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Demain, nous serons mercredi. Et nous aurons la visite d'Alexandrine Pichessir à 7h30, de Sébastien F. Gartin à 8h et de Frédéric Bernard à 8h30 avec Google Lab. Donc c'est demain à l'émission. Restez sur nos ondes à partir de 11h, ce sera le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, Rock de Neurone, en rappel. À 15h, je serai de retour pour animer des palmarès Sifu, un condensé de la meilleure musique que Sifu a à vous offrir. À 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Et finalement, Matière Noire, émission de métal progressif à partir de 21h. Sifu.ca pour la programmation complète. Assemblagerocky.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On remercie Gabriel Bioud. Merci. Merci Gab. Merci Tania Bona. Hey, merci Mathieu Plante. Et on se retrouve demain matin. Ouais, c'est ce qu'ils disent. À la même heure, probablement sur le même poste si votre radio est bien ajustée, parce que des fois les gens sont sur 89 ça fait. Puis après, ça demande c'est pourquoi, c'est pas de notre faute, et il nous reste à peu près 20 secondes à remplir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, ben je voulais juste dire qu'on allait écouter une toune tantôt. Ah oui? Laquelle? Elle fait partie du top 20 anglo à Palmarès Sifu, d'ailleurs, qui est cet après-midi, comme tu le disais. Et ça va être Remember Nothing de No Joy. Ah, j'avais quasiment oublié, tu vois. Ouais, je sais, hein, c'est pour ça que je te rappelle. Remember nothing. Remember nothing, c'est un lien. Hein.